Bienvenue dans cet épisode spécial du podcast dédié à l'Orcana. Aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre 8, le règne de Jaffar, un set qui promet des mécaniques inédites et des cartes qui vont bouleverser la méta. Nous avons la chance d'accueillir deux figures incontournables de la communauté l'Orcana, mais avant de plonger dans les détails, petit tour d'horizon des attentes autour de ce set et quelques anecdotes sur Jaffar, l'antagoniste emblématique qui inspire cette nouvelle extension. Attention les amis, si l'Orcana était un royaume enchanté, alors Baptiste en serait le roi sorcier. Jonglant avec les cartes comme Merlin avec ses sorts, ce passionné ne se contente pas de jouer, il vit l'Orcana avec une énergie qui ferait pâlir Jasmine. Chaque nouvelle carte qu'il découvre, c'est comme si Ariel trouvait un trésor caché sous l'océan. Et attention, il a plus d'un Jaffar dans son deck, alors si tu veux plonger dans l'Orcana avec un guide aussi inspirant que Mickey Mouse, embarque avec Baptiste qui a son grand désarroi, comme son nom l'indique, ne l'or, pas plus qu'à 10. Bonjour Baptiste. Oh là là là là là là, mais tu me régales là. Incroyable. Je t'ai bien introduit. Tu m'as très bien introduit, avec grand plaisir. Mais bravo, c'était très joli. Mais félicitations à toi, bonjour à tous. Incroyable. C'est normal. Je pourrais te passer une copie si tu veux. Avec grand plaisir, je voudrais me la mettre en intro de stream carrément. Si tu veux. Aujourd'hui, on n'est pas seul puisque Baptiste, on a un nouveau partenaire de jeu, comme on dit. Donc, je vais le présenter. Quel partenaire ? J'espère. Ah oui, quel partenaire. Bon, vous connaissez de ce que tu m'avais dit déjà, mais voilà. Donc, je vais essayer de le présenter de la même façon que toi. Alors, je suis un peu timide, donc je ne sais pas s'il va trop apprécier comment je vais le présenter. Voilà. Il est le fils spirituel de Cruella, petit-fils caché de la méchante reine et frère perdu d'Alice au Pays des Merveilles. Il navigue dans l'Orcana avec une touche de malice et une bonne dose de folie créative. Avec lui, les decks sont plus dangereux que la pomme empoisonnée de sa grand-mère, puis imprévisible qu'un voyage dans le terrier du lapin blanc. Aussi raffiné qu'un manteau de dalmatien. Alors, sans la cruauté, hein, j'ai enlevé. Hein, Baptiste, parce que ça, je dis, ça fait un peu dégueulasse. Très bien. Si tu l'affrontes, tu risques de te retrouver en combat contre Hercule. Même Philoctète abandonnerait l'entraînement face à lui. Bref, avec lui, l'Orcana devient une aventure héroïque et diabolique à la fois. Bonjour Gaëtan. Oh, bien le bonjour. J'hésite à t'introduire. Bien le bonjour. C'est magnifique. C'est vrai ? Ça t'a plu ? C'était super cool. Alors au début, j'ai cru qu'on accueille Cruella. Je me suis dit, bon, c'est pas vraiment moi en fait. C'était un film, mais. Non. C'était super cool. Merci pour la présentation et merci de m'avoir invité. Pareil, je te donnerai si tu veux. Ouais, avec plaisir. On va remettre dans nos mémoires. On va remettre ça dans nos mémoires, l'Orcadis et moi. Ah oui. C'est notre nouveau grade. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des références aux personnages que tu incarnes dans tes stories. Oui. Voilà. Oui. Dans les fameux reveals que j'ai la chance de faire avec Ramesberger, enfin, ce qui me donne, en tout cas, à chaque fois, je suis obligé de me déguiser en personnage qui me donne. C'est une malédiction, je le sais, mais c'est pas moi qui l'ai voulu. Je trouve que les collants blancs d'Alice te sied bien. Ouais, c'était assez stretch. On avait les poils qui ressortaient du truc, donc heureusement qu'on n'a pas trop eu de plan dessus. Faut pas prendre une caméra 3HD, quoi. Il y a les poils qui sortent, quoi, les gars. Heureusement, j'étais le réal et j'ai contrôlé un petit peu l'image derrière. Il y a eu de la post-prod pour enlever. Voilà, exactement. Beaucoup. Alors, je vous propose de parler de... Parce que c'est un épisode spécial, l'Orcana. Donc, merci Gaëtan d'avoir répondu présent à l'invitation. Et comme d'habitude, Baptiste. Merci à toi. Encore. Un grand plaisir à chaque fois. Oh, c'est magnifique. en tout cas, on va parler de l'actualité tout chaude, hein, toute chaude, on va dire, grâce aux Lorecasts qui nous ont en dit plus. Donc je pense, bah, Gaëtan, toi t'es à fond dedans, donc effectivement, tu as ça au bout des doigts et au bout des ongles. Et puis Baptiste, je connais tout par cœur. Comme une poésie, comme on dit. En tout cas, et Baptiste aussi, il connaît tout par cœur, bien entendu. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, ah, lui, c'est pas un nouveau, là. Non, ah, c'est, bah, pas ouais. Nouveau, c'est pas un débutant, pas un ancien, je le dis. Attention. Pour le pop, voilà, quand même. On va commencer par le plus simple, c'est l'annonce des championnats du monde, et j'ai besoin que vous m'éclairez sur un point. Parce que... Oula. Ouais, c'est je suis pas invité, déjà. Ça, c'est pas sûr. Là t'es non, j'y serai pas, malheureusement. Prends pas l'avion. Prends pas l'avion. Non, trop cher. Baptiste, tu prends pas l'avion. Je préfère acheter un Mickey. Non, pareil. Non. Le championnat du monde de l'Orcana donc se déroulera à Gaëtan. Aux États-Unis, en Floride. Voilà. Et se tiendra les 28 et 29 juin, si je me trompe pas. Yes. Et sera interdit au public. Alors j'étais étonné. Super. Pas bon. Oui, enfin, après, moi je sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est vu qu'ils avaient, tardé à donner leur réponse, etc., pour les Worlds, peut-être qu'ils ont eu beaucoup de problèmes et finalement ils ont pas pu organiser tout un truc pour les gens, je pense, et ils ont pas eu le choix de dire que, bah, en fait, oui, ça va être que pour les invités, et comme ça, on a un peu moins de travail, malheureusement. Enfin, ils auraient, je pense, aimé faire un truc pour tout le monde, comme ils l'ont fait pour les européennes qu'on a eues là à Disney. Ils auraient voulu faire ça, je pense, mais voilà, pour je pense cette raison-là, ils ont rien proposé, quoi. Tu crois que enfin, c'est une question logistique du coup, si j'ai bien compris pour toi. Je pense, parce que c'est vrai qu'ils ont, je pense qu'ils auraient eu la volonté quand même de faire des trucs de malade et encore amener plein de monde, etc. Surtout qu'en plus en Floride, c'est pas comme à Disneyland Paris, il y a encore beaucoup plus de monde, donc ils auraient eu vraiment un public de malade, quoi. Ça aurait été une pub, vraiment pour ceux qui ne connaissent pas Disney Lorcana, c'est vrai que ça aurait amené même beaucoup plus de gens en fait dans le jeu. Ça leur aurait été bénéfique, quoi. Mais malheureusement, ouais, je pense que ils ont eu des problèmes qui font que ils ont pris cette décision. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie. Après, je ne sais pas du tout. Moi, je sais pas, Baptiste, c'est une bonne théorie, je pense, non? Ah ouais, non, je suis complètement d'accord avec lui. Pour moi, ça aurait été que bénéfique à l'événement que d'ouvrir les portes au public. Moi, je sais que dans l'équipe, il y a plusieurs personnes qui auraient été chaud d'y aller juste pour farmer les sides. Pourquoi pas essayer de remporter des petites cartes récompenses à côté, comme on a eu sur les DLC. Parce que, bah, mine de rien, au-delà de la collection, là, pas du gain, quoi. J'ai envie de dire, oui. Si tu gagnes des cartes là-bas, je pense qu'à la revente, tu peux te faire un beau billet, tu peux largement te rembourser l'aller-retour là-bas. Ah oui, c'est donc, clair. Donc, ouais. ça peut vraiment valoir le coup. Donc, ouais, non, le fait qu'ils ferment ça un peu aux visiteurs, c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, ils doivent avoir leurs raisons. Bon, en tout cas, on va pouvoir regarder ça sur Twitch, hein, bien entendu. Et du bout du nez, je sens que Gaëtan va peut-être le diffuser, peut-être. Je ne sais point, parce que je pense que, Ravensburger France va peut-être avoir des casters officiels entre guillemets qui vont restream l'événement, je pense, comme ce qu'ils ont fait avec. C'était quoi? C'était ils avaient un tournoi allemand là. Ouais, pour le tournoi allemand. Mais ils avaient fait aussi pour les États-Unis, il me semble, non? Je me souviens plus, avec Rof Boba et Adibou, je crois. Ah oui, t'as sans doute raison. Ouais. Je crois qu'ils avaient fait un tournoi pour les États-Unis. Il a raison. C'est pas sans doute, c'est qu'il a raison. C'est... mais je m'en souviens plus trop. Je sais plus trop pourquoi c'était en fait. Je crois qu'il. Ouais, il me semble que c'était du coup les nationaux américains. Enfin, c'était pour ce truc-là, ouais. Je crois qu'ils avaient fait recaster un truc comme ça. Donc, il y a des chances que Burger France prenne 2-3 personnes justement pour recast la partie française, en tout cas, des Worlds, quoi. Ça serait une bonne idée, en tout cas. Ouais. Bon, on verra. En tout cas, faut que vous éclairiez Manor Terne, comme dirait le génie. Il y a une carte à gagner quand on regarde le stream. Alors, c'est World New World. Alors, la question que je me pose, c'est comment on peut gagner une carte en regardant un stream? Apparemment, il faudrait la chercher en boutique. Alors, aidez-moi parce que je ne comprends pas. À votre avis, comment c'est possible? Baptiste, si tu veux. Ouais, je pense que t'auras. En fait, ça se fait beaucoup sur Twitch. C'est des, ce qu'ils appellent des drops. Donc, en fait, c'est avec ton compte Twitch. Après, je pense, hein, je sais pas si c'est comme ça que ça va fonctionner, mais en gros, tu dois regarder un certain temps le stream en question pour obtenir une récompense. Alors, peut-être que si ton compte Twitch est connecté sur le stream, je dis une connerie, mais pendant 30 minutes, une heure, que sais-je. Il t'envoie peut-être un code sur la sur ta boîte mail lié à ton compte Twitch à fournir après à ton à ta boutique et qui en l'échange de ce code peut te remettre un rêve bleu non foil voilà. Mais de ce que j'ai entendu, je crois que les rêves bleus vont pas être fournis à toutes les boutiques hein, il va falloir un peu fouiner pour en avoir. Donc je sais pas. Ouais, c'est assez mystérieux encore. On n'a pas beaucoup d'infos, mais je pense que, enfin, moi, j'étais parti au début vraiment quand j'avais eu pour la première fois cette info-là sur un truc chez Ravensburger. C'est vrai que on avait l'impression que ok, ça allait être donné par les boutiques et que bon, je pense que les boutiques auraient fait un tournoi, tu sais, pour parce qu'ils en avaient pas assez peut-être pour tout le monde et donc du coup ils allaient faire gagner ça au plus balèze quoi. mais ça c'est une des théories que je m'étais fait au tout début, mais maintenant qu'il y a ce message de si vous assistez au truc on vous en donne un, bah, c'est vrai que c'est du coup, comme Baptiste l'a dit, c'est vrai que ça se passera peut-être comme ça, quoi, avec un système où il faut donner un code ou je sais pas quoi, avec le Twitch que t'as regardé et finalement ta boutique elle s'est dit ouais, ok, t'as regardé, c'est bon, vas-y, tiens. Mais après, c'est vrai que au niveau des stocks, ouais, je sais pas si ça sera en illimité, quoi, ce truc-là. Je pense que ça sera quand même assez rare, quoi. Il va falloir se battre. On verra. Mais dans ce cas-là, tu ouvres trois comptes Twitch différents et tu regardes avec trois télés différentes, toi. Comme ça, tu en as plusieurs et tu les revends. J'ai l'impression que... Enfin, non. C'est le mec de ta boutique, mais... C'est ça, ouais. Ah, j'en ai trois. Parce que dans ta boutique, du coup, il n'y avait que deux joueurs et que ça passe. Ils en ont 15 de cartes. T'envoies tes enfants, vous y allez à tour de rôle. Et... Voilà. Vas-y, Clémence. Vas-y. Par contre, j'étais un peu déçu parce que on n'avait pas les nouvelles dates, des leur Canada Challenge Europe. Du coup, je les attendais, moi. Ouais, je les attendais un petit peu quand même parce que j'aime bien y aller. Donc, j'avais été à Lille et à Bologne. Regardez, j'ai pas joué. pas trop déçu, vous attendiez pas? Ah, si. Bien sûr que si, on attendait. Je pense que c'est l'info qu'on voulait le plus entre ça et un soft. Je pense que c'est les deux infos qu'on attendait tous et au final on a eu ni l'un ni l'autre, on a juste eu un gros ouais ça arrive, hein, restez connectés. Donc bon bah on va rester connectés puis on va attendre, hein, je veux te dire on n'est pas à 6 mois près, hein, finalement. Ouais, après c'est vrai que effectivement ouais ils vont nous annoncer tout le plan qu'ils ont prévu pour la saison 2 quoi des challenges et ça va être diffusé là-bas, enfin dévoilé là-bas, et on peut juste, enfin moi je peux juste espérer d'avoir peut-être un petit peu plus de DLC en Europe, peut-être bon il y en a un à Lille, alors moi j'adorerais Paris parce que je suis à côté, mais je pense que ça coûte un bras, je pense, donc je sais pas s'ils le feront là-bas, mais je sais pas à Bologne, c'est sûr que bon, ça sera refait parce que c'est aussi un lieu emblématique pour les tournois dans tous les TCG. Borum, je pense que oui aussi. Borum, c'était en deux parties, on est d'accord. Hein, c'était il y a deux jours. Hein, oui, c'était vendredi et le samedi. En deux jours, pardon. Ouais, ouais. Vendredi et samedi. Et le dimanche, c'était les phases finales. Bah, on verra du coup comment ça se passe. Moi, j'espère ça. J'espère au moins avoir. Un ou deux tournois en plus, quoi. En Europe, ce serait cool. Bon, on verra. Ça fait quand même bizarre parce qu'ils ont réussi à réunir les DLC en une année civile pour faire un tournoi tardivement, un tournoi du monde, enfin, les World en juin. Et du coup, là, ils peuvent plus faire la même chose, sauf si ils mettent vraiment les tournois européens vraiment entre juillet et décembre, quoi. Bah, ça va dépendre du... Effectivement, peut-être qu'ils vont nous présenter une nouvelle présentation de saison, en fait, et que ça se déroulerait chaque année uniquement dans cette période-là, et que du coup, voilà... c'est vrai qu'il y a un gros décalage par rapport à celle qu'on a connue là, cette année, mais l'année dernière, du coup. Je sais pas, peut-être que ça fait partie de leur plan et que finalement on va avoir des DLC qui vont commencer peut-être en août cette fois-ci, un truc comme ça, et qui vont se terminer en novembre, décembre, un truc comme ça, et que ça soit vraiment condensé comme ça pour qu'ensuite ils enchaînent en fait au niveau des nationaux et des worlds, quoi. Peut-être pour justement respecter ce qui avait été, je pense, un petit peu dit au début, c'était les worlds vers janvier, février. En début d'année 2025, quoi. Bah là, pour le coup, les worlds de la saison 2, on l'aurait peut-être en janvier, février 2026. Du coup, ce serait pas déconnant d'avoir ce truc-là, de faire les compétitions mi-année, jusqu'à la fin de l'année, et puis ensuite la conclusion de tout ça en début d'année prochaine à chaque fois, quoi. Peut-être. Enfin, je sais pas. Baptiste. Toi, tu penses qu'ils ont arrêté l'année civile, du coup, aussi ? Ouais, je pense. Je pense que ça peut être une bonne idée, une bonne solution. Après, en rajouter, je sais pas s'ils vont le faire, mais ouais, je pense que, de toute façon, faire comme Gaëtan a dit, de tabasser tous les DLC, faire les nationaux en fin d'année pour pouvoir ensuite organiser les Worlds et faire les Worlds en janvier-février, je pense que c'est la meilleure des solutions. Après, est-ce qu'ils vont réussir à le faire ça tous les ans, à tenir le rythme tous les ans? Je sais pas, on verra. Je sais pas si là, ils ont pas ralenti volontairement pour que l'Asie nous rattrape. En termes de set, pour que finalement les Worlds puissent vraiment englober tout le monde sur le même set. Ouais. Parce que là, l'Asie est en train de faire des championnats de set avec des Stitch Rockstar à gagner. Donc... Elle est très belle, donc, en plus. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi cette idée-là de se dire, on met le holà sur les DLC, les sets, on les sort tous les deux mois en Asie, comme ça, ils nous rattrapent vite. Et puis après, une fois que tout le monde est au même stade, on relance vraiment la saison comme on voulait faire. Et là, effectivement, le schéma que Gaëtan a exposé, je pense, est le meilleur, le plus préférable. Ce serait pas déconnant que, enfin, ce serait même normal qu'on ait le public asiatique aussi qui arrive dans la scène compétitive aussi, hein. C'est ce serait normal, quoi. Enfin, ça peut être sympa, ça peut te permettre de voir le niveau entre les continents, tu sais. Exactement, c'est mal, quand tu fais des worlds, finalement, quand t'as tous les pays du monde, c'est ça, des worlds, hein. Parce que si c'est Worlds of Asia, Gaëtan, toi qui as fait d'autres TCG, c'est comment? C'est à peu près le même système, non? À Magic, c'est ça, hein, c'est vraiment les circuits compétitifs de Flesh and Blood ou de Magic. C'est vrai que c'est ça ressemble pas encore à ce qu'il y a dans l'Orcana, mais parce que t'as différentes façons de te qualifier, on va dire. À Magic, par exemple, t'as Magic Arena, le soft, du coup, t'as des sessions de qualification aussi tous les je sais plus combien de mois. Maintenant que je joue plus trop à Magic, à cause de l'Orcana, eh bien je sais plus trop, mais c'est tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, je t'ai dit une bêtise. Mais en tout cas, il y a des sessions de qualification là-dedans, il y a des sessions de qualification dans des pro tours et compagnie. Enfin, c'est je sais plus s'il y a des nationaux ou tout ça. Je crois qu'il y a toujours les grands prix, tout ça, je crois que ça existe plus, ce truc-là, chez Magic, mais où ça a changé de nom, je sais plus. Enfin, c'est à chaque fois des tournois qualificatifs pour arriver à des gros pro tours, et ensuite dans les pro tours, si t'es qualifié, enfin si t'es dans le top 8 ou top 16, je sais plus combien, tu fais partie des worlds, et là c'est encore une échelle au-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'échelons pour arriver dans les worlds dans Magic et dans Flesh and Blood. Que dans l'Orcana, tu vois, faut juste, entre guillemets, faut juste faire un top 1 dans un challenge. Faut déjà y arriver, c'est ça. Mais tu vois, tous les challenges te qualifiaient pour les Worlds direct, si tu faisais top 1. Et après, c'était top 8 du coup pour les européennes, top 8, ouais. Du coup, t'as quand même... Bon, hein, c'est compliqué, mais t'avais des possibilités comme ça, alors que les worlds de Magic ou les worlds de Flesh and Blood, faut gagner un paquet de trucs, quoi. Vraiment, faut être dans les tops plusieurs fois, quoi. C'est pas qu'une seule fois, quoi. La star de l'Orcada. Ouais, c'est un peu... C'est même très compliqué dans les circuits compétitifs. Flesh and Blood, c'est vraiment, je pense, le pire, parce qu'il faut passer par... Enfin, faut avoir un système de points, etc., classement... En fait, t'es stagiaire, après t'es stagiaire senior, après t'es... Non, mais il y a un système de points déjà où faut être dans les tops. En France, déjà, faut être le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs pour dire d'être qualifié dans un truc, dans un pro tour, etc., pour ensuite dans le pro tour... Et t'as pas le danger que ce soit toujours les mêmes, qu'ils soient qualifiés? Il y a ça, hein. Parce que quand tu fais ça, t'as l'impression, de ce que tu dis, t'as l'impression que dans les autres TCG, ça... Si tu restreins réellement les qualifications vers les phases finales, tu te dis que c'est toujours les mêmes qui vont réussir. Bah, justement, à Magic, tu as les fameux... t'as des joueurs professionnels, quoi, qui sont tout le temps, presque tout le temps là, après qui perfent ou non dans ces tournois-là. Avec des sponsors. En fait, de quoi? Avec des sponsors. Il y a notamment Ultimate Guard le Channel Fireball, TCG Player, enfin c'est ce gros groupe là qui a par exemple des joueurs qu'on connaît, hein, chez nous à Disney Arcana avec Frank Karsten comment il s'appelle l'autre, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a certains joueurs là-dedans, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8 ou 9, un truc comme ça, de joueurs pro dans leur team. Et ils viennent à l'Orcana, et c'est vrai qu'eux, ils sont toujours invités. Pourquoi? Parce qu'ils ont assez de points pour revenir, en fait. Même si tu perds là-dedans, t'as quand même assez de points pour revenir sur le prochain, ou alors t'as quand même chopé l'invitation pour le prochain, de justesse. Donc du coup, tu vois toujours les mêmes têtes, c'est Frank Karsten, Red Duke, etc. C'est des joueurs qui sont tout le temps qualifiés, même s'ils perdent pas, quoi. Et il y a de temps en temps, ils perfent et ils réussissent leur tournoi, et c'est le petit bonheur de la chance, on va dire, dans le TCG, quoi. C'est assez aléatoire sur ce niveau-là. Mais voilà, ça se passe comme ça, alors qu'à l'Orcana, on a eu juste une première année compétitive où ça se passe comme ça. Maintenant, c'est pas dit que sur la saison 2, tu vois, ils installent un système de points où il faut marquer tant pour dire de pouvoir t'inscrire dans les européennes ou des trucs comme ça, quoi. C'est pas dit. Aura tôt ou tard un circuit compétitif professionnel qui va arriver chez Disney Arcana, ça c'est sûr. J'aime bien ce système-là. Du moment que tu te qualifies dans les 8 premiers, ça laisse la chance à tout le monde, si tu veux. Parce que le nombre de points, t'imposes une présence quand même, je pense, en boutique ou autre. Mais il y a toujours ce truc-là, on va dire, dans les tournois, de toute façon, dans les gros tournois... De Flèche ou de Magic et tout ça, mais c'est au-delà de ça, il y a ce système de points qui fait que ça référence vraiment les plus gros joueurs dans le monde et les joueurs professionnels, du coup, qui vivent de ça, parce qu'ils font une série de tournois et à chaque fois ils t'encaissent des chèques de malade, parce que c'est du là le dernier tournoi Flesh and Blood, le Pro Tour qu'il y a eu à Londres, là, il n'y a pas si longtemps, c'est 50 000 balles quand tu fais top 1 déjà. Et après, si tu fais top 16, tu as quand même un bon 5 000 ou un truc comme ça, quoi. Donc, tu arrives à payer ton voyage, etc., et même d'avoir un peu plus. Et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui, comme ça, ils vivent de ça parce qu'ils arrivent à se qualifier de justesse à des moments. C'est des bons joueurs, donc ils sont constants dans leur perf. Et finalement... ils gagnent quand même pas mal d'argent. Tu regardes les palmarès des joueurs de Magic, de Pro Tour et compagnie, depuis longtemps, c'est des sommes de 300 000 euros qu'ils ont en palmarès, etc., quoi. Donc c'est énorme. Oui, Frank Karsten, lui, c'est un riche. Hein. Il est riche aussi, lui. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait cette... on l'aura, je pense, après ce premier World. On aura vraiment le circuit professionnel de joueurs de l'Orcana, quoi. On l'aura, je pense. Parce que les mecs, ils vont ressortir de ces compétitions-là avec des cartes qui valent des milliers d'euros. Donc ça va les faire vivre, honnêtement. J'en connais un, qui qui en a vendu un de Mickey, bon voilà, 13 000 euros qui arrivent comme ça, c'est pas mal quoi. Ça te fait vivre ben quand oui. même quelques mois quoi. Oui, ça te paye un voyage, un bon gros voyage quoi. Oui, ou sinon. Une bagnole. Une bagnole. Moi, moi, honnêtement, je le claquerai dans une Porsche direct. Et puis voilà. bon, je pense qu'on a fait le tour des words. Et merci de ces éclaircissements, mon petit Gaëtan, parce que maintenant, on en sait plus par rapport aux autres TCG. Baptiste, on a fait le tour, je pense, les words, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Bah non, tout parfait, tout parfait. C'était biblique, quand il parlait Gaëtan, c'est incroyable. Désolé, je suis une pipelette, mais... c'est le messie. C'est compliqué à de leur canard tous ces trucs-là, mais... Non, c'est pas compliqué, mais tu vois, si je veux me permettre un avis, je trouverais ça dommage, ce système de points, parce que l'avantage de leur canard, c'est que le jeu est accessible à tous, c'est-à-dire que même un enfant de 8 ans peut jouer, etc. Mais aussi, je trouve bien, c'est pour... Bon, après, moi, je suis pas des joueurs comme vous dans les DLC, mais spectateur, mais ça donne ça donne l'occasion, ça vous donne à vous une chance, voilà, oui. Sans être un professionnel. Et quand nous les nuls, c'est ça que t'essayes de nous dire gentiment, c'est ça. Ouais, voilà. Leur cana pour les nuls. Voilà. Ouais. C'est que ça donne une chance à tout le monde, et c'est bien. Ça c'est bien. Oui. Ah oui bah. La façon dont tu expliques les choses, c'est que tu vas réduire réellement pas le nombre de joueurs, mais tu vas réduire les chances de tout le monde, quoi. Tout le monde va pas... Non, c'est plutôt dans le sens, en fait, ça va... En fait, tu vas avoir une élite qui se fera remarquer par le fait que, voilà, ils seront constants, et donc, du coup, ils auront toujours les invitations pour aller dans tel ou tel endroit, dans des pro tours et compagnie. Et donc, du coup, c'est pour ça que on les considère comme des professionnels, et que bon, après, ça retire rien, je pense, aux nouveaux joueurs qui pourraient s'insérer dedans, parce que en fait, c'est possible quoi. Mais encore une fois, faut gagner un gros tournoi, ou faut être qualifié dans les 8 premiers, ou des trucs comme ça quoi. Et c'est vrai que si t'arrives pas à accéder à ce truc là, effectivement, tu pourras jamais du coup passer du côté pro. Et le côté pro, c'est tu gagnes presque tous les challenges, ou en tout cas tu perfs dans les européennes ou des trucs comme ça. Mais c'est encore assez flou, parce que l'Orcana, c'est pas encore trop le cas. Enfin, on n'a pas de, enfin, bien sûr qu'on en a, les Worlds, c'est sur invitation, tu vois, mais par exemple, on n'a pas de pro tour pour l'Orcana, par exemple, des pro tours où vraiment c'était il y a 200 300 joueurs qui sont invités. Et par contre, eux, ils ont gagné des championnats, que ce soit nationaux ou alors départementaux, ou des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment dans cette optique-là que leur canard devrait peut-être avancer dans l'avenir pour copier, on va dire, les concurrents, et ressembler un petit peu à... Enfin, avoir une scène compétitive qui ressemble un petit peu à ce qui se fait déjà à Magic ou Flesh and Blood, etc. Quoi. Ça ressemble au tennis, quoi, ton truc. Un petit peu. Un peu ça, ouais. C'est le Masters, quoi. C'est grand chelem. Non, mais c'est ça, et c'est en soi, ça pourrait être pas mal, parce que ça, vraiment, ça, déjà d'une, ça récompenserait encore plus les joueurs, et donc du coup peut-être. Ouais. Moi, je me souviens de, quand j'ai commencé à Magic et tout ça, enfin, c'est vrai que je voyais des gars comme Red Duke et compagnie, c'était. Enfin, c'est toujours pour moi, c'est des idoles. Frank Carsten, j'ai rencontré aux Européennes, ça faisait hyper bizarre de le voir, parce que je l'ai vu depuis, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça, quoi. Et en fait, c'est des stars, comme tu le disais tout à l'heure, c'est des stars de TCG. Ils arrivent à en vivre parce que du coup, ils sont bien récompensés par ces tournois-là. Et ça, voilà, ça... Ça serait bien d'avoir ça dans leur canas. Ce serait bien d'avoir, par exemple, Ellie ou Swandai, ou alors Itsu qui soient reconnus comme des joueurs professionnels de Disney Lorcana. Ce serait cool, quoi. Ça donnerait peut-être l'idée... ouais, c'est ça. Ça donnerait peut-être l'idée à des gars comme Lorcadis et moi, ou même à toi, de dire « Ah non, putain, non. Moi aussi, je peux perf, tu vois. Je... » Ah là là, je vais être... Alors peut-être. C'est cool. Bon, en tout cas, je pense que là, on a fait réellement le tour des words. J'ai pas, ouais. Voilà. Mais non, mais c'est bien ce qu'on t'as pu nous expliquer, comparé à d'autres TCG, parce que je crois que Baptiste, il a joué qu'à l'Orcana. T'avais pas joué d'autres TCG. C'est mon premier TCG. Ouais. Voilà. Ouais. Et peut-être, tu fais que celui-là, de toute façon, je crois. Pour l'instant, oui. Ouais, je vais le mettre à Flesh and Blood bientôt. ça fait des mois que Gaëtan essaye de me choper par le callback pour aller sur Flesh and Blood. T'as appelé ton banquier avant T'as appelé ton banquier avant, quand même. En vrai, il y a des petits formats pas très chers. Un peu comme Star Wars Unlimited, c'est pas des decks, c'est pas des boosters qui coûtent vraiment cher. Ouais. Voilà. Si vous permettez, on va parler des nouvelles raretés. Ce que je fais par an. Voilà. Permettons. Baptiste, peux-tu nous dire quelques mots sur ces nouvelles raretés? Alors, deux nouvelles raretés. Et ça, c'est très très fort. Alors, attends, c'est dans quel ordre? Il y a Iconique. Alors, Iconique, c'est. Est-ce que c'est celle-ci qui est genre plus rare que légendaire, mais moins rare que enchantée? Je sais plus si c'est celle-là. Non. Plus rare que raté. Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait piéger. Tu sais quoi? Tu vas en ouvrir une. Première display. tu vas voir. C'est... Sachant que je vais rien acheter sur ce set, ça va être très compliqué. Ah. Mais... Bon, alors. Booster. Tu dois t'acheter un booster. Booster en boutique. Faire un petit scellé en boutique. Là. Faut en donner une. T'auras une enchantée et une iconique dans la même. Imagine. Oh là là, si même seulement. C'est possible. Ce serait possible. Bon, on va en parler après, de toute façon. Oui. Dire ça va coûter cher, mais on va en parler après. Ah, je pense, ouais. Je pense que si tu tapes une iconique. T'es quand même refait, ouais. C'est iconique, comme on dit. Ouais. C'est iconique, là, pour c'est le iconique. Coup, c'est vraiment iconique. Ouais. Iconique, c'est plus rare que enchanté. C'est ça. Et l'autre, ouais. Alors, qui est, comme tu disais, qui est plus rare que légendaire, mais moins qu'enchanté. J'ai bouffé son nom. C'est... Bon appétit. Ça commence par un E. Ouais, et ça finit par pic. Du coup, je dirais pic. Juste comme ça, au pif. Ouais. Au pif, quoi. Au pif complet. Et donc, ouais, épic. Épique. Donc c'est celle-ci, cette fameuse rareté-là, qui est entre plus rare que légendaire, mais moins rare que enchanté, juste entre les deux. Ouais. C'est ça. Et ça arrive à partir de quel chapitre? Bah, le suivant. C'est-à-dire chapitre 8, là, non? Non, c'est le 9. Attendez. 9. C'est 9. Non, mais iconique, c'est 8, et l'autre, c'est 9? Ou les deux arrivent au 9? Non, c'est 2 au 9, ouais. Moi, je suis déçu, j'étais persuadé que j'allais en avoir 8, moi. Des... Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, t'économiseras plus de sous maintenant. Tu n'avoues plus le coup. Oui, tu vois, tu vas même pas faire sceller. Je vais vraiment rien acheter sur ce set et tout garder pour le 7-9. Non, mais je veux dire, si tu chopes une iconique ou une épique dans le 7-8, tu nous appelles tout de suite. Parce que là, il y a un problème. Ah, bah, tu sais, vu qu'ils ont déjà tout imprimé, à mon avis, il y a moyen qu'il y ait des petites erreurs qui se glissent. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces cartes-là? Alors, j'ai cru comprendre que l'une des deux, je crois que c'est l'épique, c'est la même présentation, c'est ça, qu'une carte moins rare, c'est ça? Ou c'est peut-être iconique? Oui. Enfin, oui, c'est la épique qui a la même tronche hein, que l'original, mais elle a un côté un peu... épique. Moi, j'aime appeler ça un côté épique dans l'âme. Alors, elle a ce côté un peu extended, comme il y a dans d'autres TCG, enfin Magic surtout. On a des borderless, mais on a aussi des extended, et les extended c'est juste bah du coup comme son nom l'indique ouais une extension de l'illustration. Voilà. Et leur canal l'a fait, c'est pas que le haut de la carte, c'est toute la carte. C'est ça. Mais c'est vrai que leur canal l'a fait un peu voilà, ils ont fait un mélange entre le borderless et du coup une extension quoi de l'illustration. C'est assez bizarre. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Mais ça change pas grand chose. Enfin, on va dire, c'est sûr qu'on a les bords en moins, mais ça fait vraiment bizarre d'avoir un truc de c'est borderless mais qu'à moitié. Tu vois? C'est vrai. Mais c'est classe à sortir en tournoi. On sait pas trop si on le fait ou pas. Pour l'instant, on fait ça, on verra après quoi. Non, c'est vrai qu'en fait, si quand tu la sors en tournoi, tiens, regarde, prends mon épique dans la figure. Tu vois. Non mais c'est ça, mais après ça va paraître quand même une, enfin ça va être une belle carte quand même, attention. Oui. On a cher. Un foil différent. Moins cher ou plus cher qu'une enchantée? Attendez. Ah bah ça dépend, mais c'est vrai que ça dépend de la carte hein, t'as des enchantés actuellement qui valent 80 balles et d'autres qu'on valent qu'on valent 800 hein, mais ouais, c'est assez particulier. Après ça reste uniquement un c'est même pas un art alternatif, c'est vraiment juste une comme je l'ai dit une extension de l'illustration quoi. C'est juste une extended. Donc en fait c'est juste pour pimper ton deck à la rigueur, Et ouais. Ça va surtout dépendre des cartes qui vont nous mettre en épique, parce qu'il y en a quoi ? Il y en a 18, il me semble, d'épiques dans tout le set. Il me semble que c'est 18 épiques et 2... Il y a 18 enchantés... Non, c'est 12 épiques, je sais plus. Ah, tu mets le doute. C'est 12 ou 18, je sais plus. Il y a 18 différents dans le chapitre 9 en tout. Moi, j'ai cru que les cartes épiques, elles sont 18 en tout. Et les iconiques, ouais, c'est ça, alors. Je sais pas. Alors, c'est 18 enchantés comme d'hab, 18... épiques. Attends. 18 épiques. Je sais plus. Je pense, hein. En tout cas, c'est soit 12, soit 18. J'ai un trou de mémoire, là, pour les épiques. Si tu veux. Si tu peux faire checking. Mais, enfin, attends, en plus, j'ai fait... Iconique, c'est 2. Iconique, ça, c'est sûr, ouais. Justement, on parle des iconiques, là. C'est quoi, cette histoire, là? Tu dis que ça allait coûter cher? Plus cher qu'une enchantée? C'est sûr. Iconique? Ah oui. Bah, bien sûr. Attends. Si t'as une iconique, tu peux courir tout nu dans ton jardin. Hein. Non, attends, j'ai un grand jardin. C'est pas un grand jardin, tu vas courir longtemps. Mais... j'ai des voisines, donc du coup, ça va être tendu. Elles seront très heureuses que tu chopes une iconique, je pense. Regardez, j'ai une iconique. Qu'est-ce qu'il fait, Benji, à poil, là? J'ai une iconique. Cécile, j'ai une iconique. Oh, les calibres. Oui, tu joues au tarot. Je joue pas au tarot, tu rigoles. Voilà. Bon, en tout cas, si Baptiste, tu le fais, tu pourras une vidéo, s'il te plaît. Hein, on veut voir avec Gaëtan, hein, si jamais tu cours. Bien sûr, je mettrai sur mon OnlyFans. C'est ça. Oui. Avec les photos de tes pieds, en clé. Bien sûr. Non. Alors, moi, j'ai cette impression-là qu'en fait, ces cartes-là, elles sont faites que pour les collectionneurs. Enfin, je sais pas vous, plus que pour les iconiques. Oui. Ah, les deux, tu veux dire? Les deux, peut-être plus les iconiques quand même, mais les deux. Enfin, j'ai l'impression que les collectionneurs vont se battre pour les avoir, non? Ah, bah, bien sûr. Oui. Et quand tu es collectionneur, tu veux tout. Donc, forcément. Oui. Oui. Et sachant qu'elles sont très rares. Oui. À mon donc, avis, c'est ça qui aussi qui fera leur valeur. Oui, donc, mais de ce qu'on a vu, une parmi elles sera un Mickey. Oui. C'est l'iconique. Il est sur son petit cheval de bois là, du carrousel. Ouais, du carrousel. Ouais. Donc bon, bah déjà quand c'est Mickey, si tu veux jouer ou pas jouer, Mickey, voilà, c'est de l'argent au coffre, comme on dit. Donc ouais. Exactement, ouais. Ouais. C'est vrai que Mickey, bah c'est un petit peu le Pikachu du. C'est ça. Pikachu. C'est ça. Même si la carte est éclatée, ça va valoir quand même cher. Donc. C'est ça, ouais. J'allais même dire plutôt le Dracaufeu, parce que je crois que dans Pokémon, c'est vraiment le Dracaufeu qui est le plus. Je crois que c'est Dracaufeu. Hein. C'est ce qu'on voit partout, hein. Tout le monde le cherche. Bon, bah, du coup, on sait qu'aucun de vous deux joue à Pokémon TCG, en tout cas. Non. Si, j'ai joué... si, on a eu une petite expérience avec Pokémon Pocket. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai arrêté, moi, ce truc-là. Mais, bon, c'est fun, mais je préfère leur canard. Vous en pensez quoi de ces nouvelles raretés? Sympa, pas sympa, inutile? Enfin, je sais pas. Bah, c'est sympa en vrai, ça apporte un petit peu de nouveauté. Je pense que la nouveauté peut pas forcément être négative dans un jeu. Là, c'est cool, quoi. C'est pas grand chose, mais c'est cool. J'arrive pas à voir l'intérêt en dehors que de la collection, en fait. Bah, c'est purement esthétique, hein, de toute façon, mais ça peut rajouter un petit peu de piment à l'ouverture des boosters, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça manquait de ça, en fait, le. Le 18 cartes, voilà, j'ai l'info. Voilà. Bam! C'est 18 cartes épiques, effectivement, c'est ça. Ah, donc il y a 18 enchantés, 18 épiques et. Je sais pas combien d'iconiques. Deux d'après. Iconiques, il n'y en a que deux. Il y en a que deux. Et ça sera sûrement le Mickey, on le connaît, et la Mini, du coup, je pense. Tu fais la suite, voilà, c'est... Ah, tu penses qu'ils garderaient les deux? Alors, moi, je pense que l'illustration qu'ils nous ont montré promotionnelle de ce set-là, effectivement, ça devrait être ça. Mais ça serait une bonne surprise en tout cas de voir que ça soit pas Mini, bon la pauvre, mais à mon avis c'est possible d'avoir une épique iconique enchantée, non une épique enchantée iconique dans le même booster, dans le même booster, ouais, non déjà enfin en fait c'est on n'a pas cette notion là déjà des God Pack comme on a dans les autres TCG, même je crois qu'à Flesh and Blood, ça n'existe même pas. À Magic, ça n'existe pas non plus, il me semble. J'en ai jamais. Tu peux avoir des boosters. À Magic, en fait, t'en as plusieurs. T'as des boosters de jeu, t'as des boosters de des collecteurs boosters, pardon. Et donc, bon, tu peux avoir des trucs en plus, voilà, dans le collector booster, voire 5, 6 mythiques, des trucs comme ça, tu vois, des grosses cartes, quoi. Mais c'est un booster particulier. Mais même dans des trucs comme ça, c'est pas possible d'avoir, genre, dans, comme on l'a dans Pokémon, où tu ouvres le booster et t'as des dingueries de malades dans tous les slots, quoi, tu vois. C'est pas possible. Des dracs au feu, des Pikachu, quoi, de partout, c'est voilà, ça. Exactement. Mais c'est vrai qu'on pourra. Enfin, le temps que l'Orcana ne change pas son système de booster, déjà, avec juste 12 cartes à l'intérieur, si on n'a pas de booster collector, etc., on ne pourra pas espérer, je pense, avoir des. La légendaire, pardon, foil, plus l'enchanté, plus la épique. Je ne pense pas. Mais après, on ne sait pas du tout, pour le moment, comment vont se faire les répartitions au niveau des épiques et iconiques. Donc. Pour l'instant, c'est que de la spéculation déjà sur quelle quantité on en aura sur combien de displays, tu vois. Combien d'épiques par display. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont que j'ai lu et qui m'ont dit effectivement une épique toutes les displays, c'est pas déconnant. Une enchantée tous les 4 displays, c'est pas déconnant. Normalement, c'est ça, mais en fait, c'est pas vraiment ça déjà. Non, parce que moi, je prends une caisse à chaque fois. Là, j'ai pris une caisse du dernier set, l'île d'Arcadia, 0 enchanté. Ouais. Ouais, bah, t'es pas de chance, quoi. Moi, j'ai eu ça aussi sur le set 4 et c'est là où tu brilles, quoi. Enfin, tu chiales, quoi. Ouais, ça fait mal, ouais. Par contre, j'ai eu pas mal de légendaires. Par contre, j'ai pas un plein. Donc Tant mieux, parce qu'après il faut que ça soit des bonnes légendaires, mais c'est peut-être même des fois ça qui coûte plus cher qu'une enchantée. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on le disait tout à l'heure, effectivement, il y a ce côté on sait pas combien ça va coûter ces trucs là, mais les épiques par exemple, qui sont juste des versions des versions extended, il va y avoir que les collectionneurs qui vont vouloir l'avoir et les joueurs qui veulent pimper leur deck. Et vous, vous vendriez une épique? Par exemple, tu sors une épique, moi, ça n'a pas envie de la garder, moi. Je la vends. Ouais, 100%. Ouais. Mais moi, déjà, dès que j'ai une enchantée, je la mets en vente direct. Moi, non, je la garde. Moi, ça dépend. C'est si la carte, elle vaut 200 balles, effectivement, tu vas aujourd'hui. Enfin, je suis pas très riche, tu vois. effectivement, j'ai. On mec vit dans un manoir, l'argent. Mais ok. Ouais, mais voilà, c'est parce que je le cache avec le fond vert, c'est tout. Voilà, c'est tout. Tu restes humble, quoi. Tu restes ouais, modeste. Voilà. non, mais c'est vrai que quand il y a une carte qui vaut cher, bon, effectivement, tu la vends parce que tu as envie de t'acheter d'autres trucs, etc. Peut-être t'acheter les 4 exemplaires de ton Tamat parce que voilà, tu veux jouer ça. Mais après, bon, des cartes, à la rigueur, imaginons, épique, il y en a une, la Elsa, elle coûte 15 balles. Bon. Si tu la joues et que tu as envie de pimper ton deck, à la rigueur, tu la gardes, tu vois. Parce que bon, 15 balles, ok, tu te fais plaisir, tu vois. Mais je pense qu'il y aura des cas comme ça. Il y aura des cartes qui vaudront 10, 15 balles et d'autres, par contre, qui pourraient coûter la blinde, genre 150 balles, quoi. C'est bien. Je pense. C'est bien. Oui. Ça devrait être une display. Voilà. Ce qui serait bien, c'est de... Enfin, en fait, je sais pas du tout comment rééquilibrer ce truc-là, ce truc-là qu'on a actuellement avec les enchantés où t'en ouvres une, ça vaut 20 balles. Ça, c'est un gros problème. Ça devrait pas être le cas. Je pense que quand tu sors une enchantée, ça devrait être un truc vraiment qui dépasse les. Parce que t'as des enchantés qui valent rien. Ouais, c'est ça. C'est. En fait, c'est mauvais choix de personnage pour les enchantés, je pense. Enfin, je pense que les mecs, ils jouent au jeu, ils buildent le jeu, ils savent les cartes qui vont être fortes sur le set. Donc, je pense qu'ils devraient cibler ces cartes-là en priorité. Et des cartes méta, t'as forcément des mecs, des joueurs qui vont vouloir leur carré d'enchanté, tu vois, forcément. Ah oui. Donc, forcément, de base, si tu prends une carte qui est jouée, de base, si la carte est jouée, elle vaut un petit peu. Alors, si en plus elle est enchantée, elle vaut encore plus. C'est vrai. Donc, tu ne vendras pas, je sais pas, un Gantou chapitre 1 enchanté, le même prix qu'une Maléfique Dragon enchantée, par exemple, si ça avait existé. Carte. Oui, c'est une très bonne carte, je sais pas ce que t'as contre elle. Ça sent la private joke. Vrai. Non, mais c'est juste que Gantou, c'est une private joke. C'est tous les joueurs de leur canal lui crachent dessus. Ouais. Dans le sens où c'est plutôt Clochette qui aurait dû être légendaire à sa place. Mais... Ouais. Pauvre Gantou. Non, c'est vrai que, en fait, il y a ce que tu dis, Baptiste, c'est vrai que c'est vraiment pas stupide. Ils devraient cibler ce truc-là. Une enchantée, c'est une carte méta. Mais après, bon, t'as la complexité de voilà, comment tu arrives à prédire le truc, tu vois. Parce que, ok, leur équipe dev, peut-être qu'ils sont sûrement talentueux, mais imaginons s'ils n'arrivent pas à flairer le truc, tu vois. Ou alors ils flairent le truc actuellement, tu vois, et ils se disent la planète au trésor, là, le lieu, ça. C'est hyper strong, tu vois. Ils l'ont flairé, regarde le Tamatoa là, sur ce set. Ils l'ont foutu en enchanté, c'était une bonne idée. Ils regardent le prix de l'enchanté, voilà. Ouais. Si, c'est combien ? C'est combien ? Ça doit être 200 balles, un truc comme ça. Ouais, c'est cher. Est-ce que ça vaut le coup de courir à poil dans son jardin avec ou pas ? Non. Peut-être pas non plus, mais tu peux y aller en boxer, je pense. Ouais, ouf, en short. Boxer chaussette, ouais. Tong, total, à l'allemande. Et uniquement si t'habites dans le sud, parce que sinon, non, ça caille. Non, et en Normandie, il fait beau, là. Oui, il fait beau. Ah. Il fait même chaud. Non, mais en soi, ça serait vraiment pas déconnant qu'ils aient cet équilibre-là de se dire, voilà, effectivement, les enchantés, c'est des cartes méta, et donc, du coup, c'est des cartes à minima 150 balles. Et ensuite, tu vois, les épiques. Tamatoa, il est à 170 euros en français. 170 ? Ah, il a baissé. Hein. Il a baissé. Mais non, ça, c'est pas déconnant de ce truc-là. Et puis ensuite, effectivement, avoir une épique qui est beaucoup plus facile à avoir. Bon, ok, tu tapes dans les 50 balles, un truc comme ça, c'est correct, c'est très très bien. Et puis ensuite, une iconique. Alors là. Là, il faut mettre le paquet. Là, il faut pas qu'ils en sortent une toutes les 4 cases, quoi. Faut que ça. Et c'est là que tu sors à poil avec la carte. Oui. Sans chaussettes, sans tongs, direct. Oui. Ah bah là, oui, là c'est oui. Bon, tu te fais peut-être un. Alors, je dirais pas que ça vaudrait le même prix qu'un Mickey Gold. Ça, c'est. Non, t'as pas quand même. Mais un bon 2000 balles, je le sens. Ouais, bien. Voilà, ouais. Parce qu'un Mickey Gold. C'est Mickey Mini, apparemment, ça Mickey, a été. Mickey Gold, dans ce cas-là, c'est dans la ville entière que tu le fais. Et pas. Moi, non, parce qu'après, tu te tapes la honte, quoi. Mais... là, le voisinage, la vieille qui habite à côté de toi, bon, voilà, elle va te juger après. Hein. et on connaît l'emplacement des cartes dans le booster, genre épique et iconique sera forcément à la place de la foil. Bah oui, je pense. Ça paraît logique. Je sais pas du tout, ça. J'aimerais bien, tu sais, que t'aies une surprise. Genre, l'épique, par exemple, tu vois, on a vu une épique Elsa. Qui est, je sais plus si elle est commune ou Unco du chapitre 1, on va dire qu'elle est Unco, je crois. Unco, ouais, voilà. Ouais. Mais ce serait bien que tu puisses choper l'épique de cette Elsa là dans un slot d'Unco, tu vois. Genre, tu t'y attends pas. La surprise, elle est encore plus grosse, tu vois. T'es là, t'ouvres ta première Unco, et là, la deuxième, tu vois le symbole épique, tu fais oui. Et là, tu vois ta Elsa. C'est au niveau du foil, comme l'enchanté. Ben bah, ouais, mais tu vois, c'est une réédition. Enfin, c'est un. Non, c'est pas déconnant, c'est vrai que c'est, tu vois, ça pourrait être stylé, ça pourrait rajouter encore plus de. Parce que souvent, les gens, ils sont là, bah, 6 communes, 3 Unco, on s'en branle, on regarde les 3 dernières et basta, quoi. Exactement. T'as dit que là, ça pourrait forcer un petit peu à regarder l'intérêt de chaque carte, même pour les créateurs de contenu, etc., que ce soit pour des ouvertures en live ou pour des vidéos YouTube, etc., ça. À chaque carte, en gros, ce serait que dans ton inconscient, tu dises, à chaque carte, je peux avoir une dinguerie. Ouais, c'est vraiment pas déconnant. Honnêtement, c'est une super idée. Franchement, ils devraient t'embaucher là, les mecs. je suis dispo, y a pas de soucis. Non, mais c'est vraiment une très bonne idée de que t'as cette. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, comme tu l'as souligné, c'est bien d'ouvrir des boosters canal, on aime ça, mais c'est d'une certaine manière un petit peu ennuyant parce que, ok, tu vas passer. 6, 7, 8, 9, tu vas passer 9 cartes parce que tu. C'est pas que tu t'en fous, mais t'as des cartes, t'ouvres une penny sur le 7-7, là, bon, t'es content, quoi, tu vois. C'est bien, c'est une carte méta. Mais en fait, c'est pas mirobolant, quoi, comme truc. C'est pas une surprise de dingue, etc. T'attends de voir ce qu'il y a à la fin. Mais ça, c'est un problème qu'il y a aussi dans d'autres TCG. Flesh and Blood, c'est pareil. T'as 14 communes, et ensuite, t'as 2 rares, quoi, tu vois. Oui, c'est le même système pour tous, en fait, au final. C'est les communes, les communes. En fait, là où l'Orcana devrait peut-être, enfin, Reservoir devrait prendre peut-être un jour exemple sur notamment Magic ou Pokémon. C'est parce que eux ils font des boosters spéciaux. Ils font des boosters aussi bien là. Les fameux God Boosters là que tu disais tout à l'heure. Non, bah, alors ça c'est un cas unique, c'est vraiment un truc à part. Okay, vraiment, c'est vraiment, il faut avoir de la chance de malade quoi, pour tomber sur un booster qui, un peu comme dans le jeu qu'ils ont fait sur le téléphone, le Pocket, où tu ouvres un truc et oh, il y a que des foulards ou des machins comme ça. Ok, mais après, c'est plutôt dans leur gamme de produits qu'ils proposent, il y a en fait des boosters de jeu. Notamment à Magic, et après tu as des boosters collector, et avant ça il y avait trois types de boosters. Il y avait des boosters de draft, boosters d'extension et boosters collector. C'est chacun avait en fait une utilité, en fait, c'est-à-dire le booster collector, c'est vraiment pour les gars qui veulent collectionner, et ils sont là, ils sont pas là pour avoir juste des cartes basiques, ils sont là pour avoir que des foils déjà au minimum. Et ensuite au lieu d'avoir, imaginons, on remplace ça avec l'Orcana, t'as 6 cartes communes, 3 cartes unco, et ben tu zappes 3 cartes communes, tu zappes, on va dire, 2 cartes unco, et à la place, tu mets des rares. Tu mets des rares et tu mets potentiellement des raretés même supérieures. Genre, t'aurais un booster où il y aurait peut-être 5, 6 potentiels rares et plus. Et là, ça hyperait un peu plus les gens, je pense. Après, c'est sûr que les prix au niveau des rares et des super rares, tout ça, ça baisserait peut-être. Mais après, en soi, si tu arrives à choper une légendaire qui est foil extended, imaginons, ou en épique, après, juste derrière, enfin, voilà, ça serait plutôt cool, quoi. Ça serait bien de monter la hype d'ouverture de booster de Disneyland Canada, parce qu'aujourd'hui ça rame, enfin entre guillemets, ça rame depuis 2 ans avec le même booster. Ah, ça c'est que c'est le même schéma depuis 7-7 quoi, donc bon, autant tu vois Flesh and Blood, il y a ce truc là aussi, mais Flesh and Blood c'est un jeu uniquement pour les joueurs, c'est, enfin il y a de la collection, mais en fait c'est vraiment axé que pour les joueurs. À tel point que les mecs ils disent, le chef il te dit en fait on n'aura jamais de soft parce que j'aime pas ça, et en fait voilà, si tu veux jouer à Flesh and Blood tu viens, tu te ramènes sur une table et puis voilà. Mais on a cette ils sont agréables chez Flesh and Blood au final. Ouais, non mais vas-y, assis-toi et joue toi. Une politique un petit peu particulière, mais c'est vrai que à Disneyland Arcana ça serait vraiment cool d'avoir deux types de boosters, le booster qu'on connaît classique là aujourd'hui et un booster collector. Déjà ça, je peux te garantir que ça amènerait du people de malade, parce que si on te dit dans le booster collector, ok tu le payes 25 balles, mais t'as un petit peu plus de chances de choper des cartes qui sont numérotées, par exemple comme à Magic, sur 500 exemplaires, c'est des cartes qui coûtent 2000 balles au minimum. Ouais, t'es content d'avoir mis 25 balles dans le booster au final. C'est ça, t'as des chances, tu vois l'anneau unique. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, cet anneau unique qu'il y avait eu à Magic, c'était juste un seul exemplaire dans le monde, et tu pouvais le choper uniquement dans un booster collector. Et ça, c'est une petite différence, tu vois, qui fait que Magic arrive à vendre énormément de boosters, parce qu'ils savent séduire leur public, quoi, au niveau collectionneur, en tout cas. D'ailleurs, il y avait beaucoup de choses à dire, du coup, sur ces nouvelles raretés, au final. Ah oui. C'est une très bonne chose. Moi, je trouve que c'est vraiment une super idée qu'ils aient fait ça. Et ils commencent à se réveiller sur le côté, on récompense nos collectionneurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent quand même ? Ouais, c'est ça. Énormément. Je sais qu'il y a une grosse communauté de joueurs, mais c'est Disney, quoi. Disney, c'est réputé pour être la plus grosse communauté de collectionneurs dans le monde, quoi. Mm-hmm. Donc, Puis c'est Mickey, quoi. Mickey, c'est génial. Oui. Yeah. C'est ça. Donc c'est une bonne chose qui commence par là déjà, et je pense que pour moi la prochaine étape ça devrait être de faire deux différents boosters, et surtout le booster collector, ok, pour les collectionneurs et aussi pour les joueurs qui veulent pimper des trucs, etc. Et aussi le booster qui est actuellement là, qu'on a à 12 cartes, ça faut le changer pour moi, et il faut mettre un petit peu plus de cartes dedans pour faire un vrai format de jeu draft et paquet scellé qui soit propre à l'Orcana, où on te dit tu joues pas avec toutes les couleurs, mais tu joues avec 2 couleurs maximum ou 3 couleurs, et tu te fais un deck avec ça, quoi, avec les 6 boosters que tu vas ouvrir, quoi. Enfin, je m'égare du truc, mais effectivement. Non, tu t'égares pas, t'es dans le sujet, t'inquiète pas. On a compris. Il y a des trucs à bosser encore, mais ça va bien avec le temps. Il y a des choses à faire. Oui, et puis bon, ils sont jeunes dans le TCG, l'Orcana, ça fait 2 ans. Donc voilà, Magic c'est depuis 92, non ? C'est pas ça 93, je crois, ouais, mais ouais. C'est, tu vois, ouais, ça date de longtemps, oui. Voilà. 30, 30, il y a 31, l'expérience 32, du TCG là. Sur ces... Ouais. Voilà. Je vous propose, avant de faire notre petit jeu, parce que j'ai prévu un petit jeu, comme je vous ai dit, de parler du 7-8. 50 000 balles. Tu as gagné tout mon amour. C'est déjà pas mal. 50 000. Ouais, c'est pas mal. Merci. On va parler du règne de Jafar, qui est le prochain set. Bien entendu. Donc, qui sort en boutique spécialisée le 30 mai. Alors, j'ai cru entendre que Baptiste allait en avant-première, toi. Ouais. Moi, ouais, je vais essayer de faire un petit scellé, là, comme d'hab, ouverture de set. Ouais. Histoire de. Moi aussi, j'étais invité à un avant-première. Donc, tu vois, je vais pouvoir y aller, 29. Et la sortie mondiale, alors, une semaine après. Je dis un mois parce qu'avant, c'était beaucoup plus tard. Donc, ouais. C'est une semaine, là, ça va pas... Enfin, je sais pas vous. Ça, je sais pas ce que c'était comme stratégie, mais genre, de faire vraiment un mois décalage comme ça, bah, ça avait pas vraiment de sens, je trouve. Mais, une semaine, c'est bien. Une semaine, c'est bien. Semaine, c'est bien, mais et encore ce truc-là de je sais pas, d'avant-première pour moi, c'est pas longtemps avant, tu vois. Normalement, ça devrait être ça. Même une semaine pour moi, je trouve que c'est quand même un petit peu. C'est trop long. Un petit peu long quand même. Ouais. Mais après, ouais. Ça va encore. Ça va. J'en connais pas beaucoup qui vont à la Fnac et tout, Cultura pour en acheter. Hein. La plupart que je connais, ils vont en boutique. Bah c'est ça. Okay. Je pense que c'est pas nécessaire en vrai. Tu te dis, tu fais une avant-première le vendredi pour sortie officielle le lundi, ça suffit quoi. En gros, tu te dis, tu laisses un week-end d'avant-première pour faire tous les events, draft, scellé, etc. Et puis le lundi, hop, c'est ouvert à tout le monde et puis basta. Les gens, ils vont à leur avant-première, ils font leur event, ils récupèrent leurs commandes, ils achètent tout machin, ils rentrent chez eux et puis c'est fini déjà. Donc ouais, le lundi, ça. Tu peux ouvrir à tout le monde. Et c'est puis Picsou vous dit merci. Parce que vu que t'as tout sacré, t'as plus rien, t'as plus de salaire, t'as plus rien, ton PE est à péter. Voilà. Tu manges des pâtes jusqu'à la fin du mois. Et puis c'est ouais. Ça. Ouais. Jusqu'au prochain set, tu manges des pâtes. Tu manges tout le temps des pâtes, du coup. Ouais, j'en mange ce soir, d'ailleurs. Donc, du coup, le règne de Jafar qui fait la suite directe de l'île d'Arcasia. Oui, Arcasia, oui, c'est Arcasia. Ouais. Yes. Ce n'est pas Arcasia. Ouais. Arcasia. Arcasia. On peut dire chorizo, par exemple. Mais non. On peut dire chorizo. Non. Donc, c'est un aigle, c'est un grand aigle. C'est une chouette. C'est même pas un aigle. C'est une couette. Donc, Jafar s'est emparé de l'île d'Arcasia. Il a corrompu le magnifique havre de paix pour en faire sa forteresse menaçante. Son règne pourrait bien être la plus grande menace que Lorcana ait connue. Donc, c'est le deuxième méchant après Ursula, quoi, on va dire. Moi, je pensais que ça allait être Hadès, tu vois. Et en fait, non. Ouais, il y avait des rumeurs. Enfin, surtout qu'il y avait une carte, je ne sais plus sur quel set, mais 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus, où on voit Hadès, ouais, ils font leur truc de leur côté dans le Flavor Text, là, enfin, le texte d'ambiance. Ouais, dans le texte. Le truc, ouais, ils font leur truc de leur côté. Ah, c'est bien, je vais pouvoir fomenter mon truc à moi. Et on s'est dit, il va faire un truc, lui, là. Il est chelou, lui. Mais mon petit... non, c'était pas lui. Mon petit Baptiste. Oui. Dis-moi quels sont, s'il te plaît, les personnages qui sont en vedette sur les boosters. Tu as réponse. Jafar, hein. Non, je réfléchis. Réponse Jafar et... Bien, c'est bien. Il en reste un. Mini. Oui. Bravo. Parce que j'ai fait les visuels pour la mulligan tout à l'heure et j'ai mis des discrets sur les visuels et j'étais en train de me dire, attends, je les ai vus les boosters. Eh, heureusement que tu l'as fait avant. Bah, franchement, oui, sinon je t'ai plié. Bon, j'aurais pu sortir Jafar, c'est pour sûr. Mais j'ai vu Gaëtan en sueur avec une veine sur le front en disant, mais il doit savoir, c'est pas possible. Non, j'étais à deux doigts de dire, putain, t'as mis la musique, tu peux appeler le 50-50, vas-y, appelle au pire. 50 000 balles, Baptiste. On a validé le premier palier, du coup, c'est bon. Attends, Gaëtan. On a 1000 balles maintenant. Fais pas le cours maintenant. Merde, ouais. Gaëtan, il y a aussi deux decks de démarrage. Quels sont les personnages sur les decks de démarrage? Ouh. Triche pas. Alors là, premier, Mulan. Ouais. Et Stitch. Ok. Deuxième, rouge gris. Deuxième. Oui, rouge gris. Bruno. Bruno, ouais. Tiana. Oh, il faut jaune. Bravo, mec. 50 000. Non, on a 2000 là. C'est clair. Ah, bon, ok. 50 000, c'est Esther. Je confonds tous les jeux. Ah, 50, yeah, yeah. 50 000 roubles. Voilà. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si ça vaut quelque chose en roubles. Baptiste. Bah, regardez. Voilà, ça continue la pression. Tu mets une pression à chaque fois. Je te mets une pression. Attention, t'es prêt? Oui. Quels sont les. Il y a des boîtes de rangement et des protège-cartes. Oui. Ouais, je veux savoir. Facile. Facile. C'est Mickey, sorcier renégat et la fée clochette, fée géante. Oh putain, bravo! T'es sûr? C'est certain! Gaëtan est en train de regarder! Je suis sûr qu'il est en train de regarder en plus, Gaëtan! Ah non! Ah non, là, je retire mon truc là. Non, mais oui, c'est bien. Eh hey, les gars, vous êtes un collab. Même les personnages sur les decks, j'ai rien à dire là-dessus. C'est génial. Bon, alors du coup, on va pas parler de tout ce que j'ai demandé tout à l'heure, vos cartes coup de cœur, mais la grosse nouveauté, c'est la quête des Illumineurs, Vol au Palais. Ouais. C'est un peu la suite du, enfin pas la suite, mais on va dire le style de jeu du seul contre le méchant. Donc c'est non plusieurs, même, le méchant contre nous, donc il y avait Ursula, et puis là, du coup, on a une jolie quête des Illumineurs. Alors, Gaëtan, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette quête des Illumineurs Vol au Palais, un peu d'histoire, parce qu'on a regardé ensemble, enfin, pas ensemble, mais j'étais sur ton Twitch hier, on a regardé leur cast hebdomadaire. Ouais. À qui ils présentaient, du coup, si je me trompe pas, la quête des Illumineurs. Ils y ont joué. Oui, mollement. Il y a des misplays, hein, mais on leur en tiendra pas rigueur, évidemment. On va rien dire, on va rien dire. non, c'est en fait, c'est effectivement, ils y ont joué et ils ont un petit peu présenté ce qu'il y avait comme contenu à l'intérieur. Ça change pas grand chose par rapport à la dernière fois. On a toujours deux decks et puis le deck de Jafar. C'est vraiment un jeu multijoueur pour le coup. Alors tu peux y jouer tout seul, mais à tes risques et périls, parce que même en facile, c'est chaud. moi je crois que je l'avais testé sur ma chaîne, je l'avais testé le Ursula et je me suis fait démolir, je crois. Tu t'es même filmé, je crois, avec il a arrêté YouTube. Je l'ai plus, il a arrêté Obscurity, voilà. Ouais, j'avais raconté ça dans le live, ouais, la dernière fois, je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Oui, hier, je crois. T'avais fait une vidéo, je crois. Lui ou toi. Je sais plus, j'avais regardé. Moi, j'avais fait une vidéo effectivement sur le. Est-ce qu'on pouvait jouer tout seul à Lumière Quest? Parce qu'à la base, c'est vendu comme un jeu multijoueur. Hein. Faut être deux au minimum. Après, trois, je crois, maximum, ou quatre, je sais plus. Je crois que ça joue jusqu'à quatre, il me semble. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est assez sympa parce que ça te sort entre guillemets un petit peu de ce que tu connais déjà dans Disney Arcana, quoi, enfin le corps construit, quoi, mais il y a, je pense, des trucs encore à voir pour les prochains, à rajouter. Il y a là pour le coup sur les nouveautés qu'on a sur cette Illuminaire Quest, c'est juste il a une couronne et que tu peux voler de temps en temps. Tu peux la choper, la couronne, pour éviter qu'il gagne 2 de l'or au début de son tour à chaque fois, là. Et puis en plus, qu'il peut pas perdre la partie le temps qu'il a le truc, quoi. Et y a un autre truc qui est présent sur les cartes champ de bataille, c'est écrit « Jafar commence avec les douves d'encre en jeu ». Et les douves d'encre en jeu, on ne sait pas encore ce que c'est. On ne sait pas si c'est un... Je sais pas si c'est une carte en plus qu'ils ont pas montré, tu vois, dans le paquet, etc. Quoi. C'est encore un mystère, ce truc-là, pour moi. Après, peut-être que c'est rien du tout. c'est juste un... C'est du lore. Ouais, c'est pour l'histoire. Ouais, je sais pas du tout. C'est un lieu, non ? C'est pas genre un lieu ? Peut-être, ouais. Parce qu'effectivement, les douves, bon... C'est pas ce truc-là qui est lié obstacle ? Je sais pas, j'ai cru comprendre qu'il y avait un lieu obstacle. C'est bizarre. Non, ouais. Ça, bah, effectivement, t'as les lieux uniquement dans son deck à lui qui sont des lieux dits obstacles, un nouveau type, quoi. Sûrement pour les. Bon, pour présenter un petit peu l'Illuminaire Quest, quoi. Enfin, la bataille contre Jafar, bah voilà, t'as des lieux un petit peu spéciaux qui te mettent des bâtons dans les roues, mais c'est pas vraiment le cas, quoi. Enfin, c'est ni plus ni moins des lieux que comme on les a là actuellement, mais sauf qu'ils sont quand même légèrement plus pétés, quoi. Genre, je crois qu'il y en a un qui te dit tu peux pas partir à l'aventure, je crois. Ou tu peux pas. Non, c'est. Ouais, tu peux pas partir à l'aventure. Uniquement. Ils ont joué le lieu justement hier. Tu peux juste défier. Ouais, c'est ça. La notre nouveauté, c'est que là, c'est plus une feuille en papier qui fait office de plateau de jeu. Là, c'est un vrai plateau de jeu. Mmh. Et à mon souvenir, moi, l'Ursula, je me rappelle, j'ai jeté la boîte. Maintenant, tu n'as plus trop besoin de la jeter. Puisque maintenant, ils ont fait une sorte de boîte. Voilà. Ah bah non, là, il ne faut pas la jeter, ouais. À 45 balles, la boîte. Non, mais l'Ursula, tu jetais la boîte, c'était un peu. Enfin, ouais, c'était triste. C'est normal. Hein, parce que... Et il fallait te retrouver une autre boîte de rangement, du coup, parce que c'est vraiment pas prévu pour. Ouais. Et du coup, t'étais là avec tes decks, tes trucs, tes pistes de l'or et tout. Mais ouais. Là, d'ailleurs, sur l'application qu'ils ont mis à jour, l'application Lorcana, ils ont mis à jour pour Jafar, et ils ont mis le mode de jeu de Jafar dedans. Tout est déjà prêt et tout pour jouer à la quête des Illumineurs de Jafar. Donc, Ils sont déjà prêts. Ils attendent. C'est prêt à partir. Et puis on a au compte-goutte, enfin, aparté, mais on a au compte-goutte les enchantés également. On les a peut-être pas tous, d'ailleurs. Tu me fais penser à l'application, moi tu me fais penser à ça. La chasse des enchantés. Oh, elle a pas du gain, toi. T'es vraiment que. Oui, j'attends de voir si ça va coûter plus de 50 balles. Ouf, n'attends pas trop. On le sait déjà. Alors du coup le du coup vous allez l'acheter ou pas? Moi je sais que je vais l'acheter parce que je joue avec mon épouse et ma fille. Oh bien sûr, en bon Yankee on y va. Oui, mais c'est sympa à jouer, je trouve. Voilà. Oui, c'est je vais essayer de me fighter tout seul contre lui déjà. Tu vas pleurer? Ouais, non, c'est lui qui va pleurer. et je vais sûrement faire aussi en multi avec des copains. Donc, on verra. Baptiste, est-ce qu'il t'a appelé pour savoir si c'est ton copain? Non. Non, non, il m'a pas appelé. On n'est pas d'accord, voilà, merci, super Gaëtan. Quoi? T'as déjà oublié? Merde! Ah, mais c'était ça le truc! Ah, c'était ça! En tout cas, la quête des Illuminaires, bah écoutez, hâte de l'acheter quand même parce que c'est toujours sympa de jouer à plusieurs. Ça va être un chouette produit. Oui. Bah, j'espère qu'il sera mieux que le premier parce que c'est vrai que le premier, j'étais super hype. J'ai dû faire aller 5-6 parties, puis après, je l'ai laissé dans son placard. C'était tellement quasi impossible de gagner qu'à la fin, c'était. Voilà. Il y a des modes de jeu, effectivement, extrêmes. C'est ultra chaud. Il faut que tu sois au minimum 3-4. Pour dire de le battre, et voire 4 minimum, j'ai envie de dire. Parce que au DLC de Lille, t'avais des. Vous y étiez, vous deux, je crois. Ouais. Ouais. Moi, j'étais sur l'étape basse de la compétition. Ok, bah moi, j'étais dans l'étape d'à côté. Avec ma fille et ma femme, et on jouait. Mais entre nous. Et avec des gens qui venaient jouer aussi. Parce qu'il y a des spectateurs, on joue entre nous. Ils font des tables où on peut jouer entre nous. C'est sympa, franchement. Ouais. Et justement, ils avaient sorti la quête des Illumineurs d'Ursula. Et il y en avait qui étaient venus exprès pour jouer là, sur place, au mode le plus difficile. Et ils n'ont pas gagné. Ils ont passé leur après-midi à essayer de la battre. Mais... Ah oui. Bon, dans ma tête, je me dis... Ah, je pense que si tu vas pas avec une liste build exprès pour ça, tu... Ouais. Ouais, tu te casses les dents sur le truc. Hein, et à Lille, on pouvait l'essayer. Ouais. Voilà, pour vous dire. Mon petit Baptiste, qu'as-tu retenu comme chose qui t'intéressait dans ce 7-8 au final? Il y a pas mal de choses qui ont été dites sur ce 7. Sur ce 7-8 Ouais. Moi, j'ai vu. C'est le jeu. C'est, voilà, c'est la gagne. C'est les reveals. C'est les personnages. C'est les nouvelles cartes, moi, qui m'intéresse. Donc, j'ai vu des choses qui vont venir améliorer ce que j'avais commencé à construire en début de 7-7. Et il veut pas dire parce qu'il veut pas dévoiler en avant-première son futur deck de combat. Moi, je peux dire, mais si tu veux, on peut y venir maintenant. Moi, ça me... Vas-y, si tu veux, vas-y. Et après, si tu veux pas divulguer ton deck de combat, c'est totalement compréhensible. Bon, attends, ah non, là, même s'ils connaissent la decklist, ils peuvent rien contre lui, donc vas-y. Ouais, exactement. Baptiste est surpuissant. Je suis aucune limite à mon pouvoir. Open decklist. Là, bah, j'ai vu des cartes Belle et le Clochard en vert jaune qui. Ah. Enfin, jaune vert. Et le pire, c'est que je m'en doutais parce que t'allais en parler, parce que notamment, je suis sûr que c'est la jaune, le clochard, la jaune verte. Ah bah même la lady, hein. Ah, la lady. les deux, mon capitaine, hein. Parce que toi, franchement, on a eu une. Alors, clochard alter 4 qui coûte 6 en crable. C'est un ton, il fait 2 de force, 8 de volonté. Ouais. Il altère 4. Et en gros, il te dit que pendant le tour de ton adversaire, à chaque fois qu'un de tes personnages est banni, tu peux piocher une carte. Oui, c'est ça. Je l'ai sous les yeux. En plus, donc, elle est stylée. La carte est stylée. L'effet est très stylé aussi. Il est très stylé. Donc, je sais pas, t'imagines, tu spams ton board, tu as ça sur ton board, le mec veut faire un soyez prête. Je sais pas, t'as 5 créatures sur le board, ce qui est pas non plus déconnant avec ce genre de deck. Tu draws 5, quoi. Enfin, je sais pas, c'est quand même pas mal. Ça vaut le coup de se faire ras board pour draw 5, quoi. Est-ce que ça peut concurrencer une Clarabelle pour toi? C'est différent, en vrai. C'est pas la même approche. Après, c'est plus facile à jouer au niveau je préfère Clochard que Clarabelle. Ouais, pareil. Je préfère Clochard que Clarabelle. Ouais, parce que lui rentre vraiment. Ouais, pour l'effet. Ouais. Celui-là rentre vraiment dans une optique de deck aggro. Il n'a pas une encre en moins aussi, lui, par rapport à Clarabelle. Ouais, tu peux l'altérer plus tôt. Et lui, il est à 6. Ouais, puis tu peux l'altérer un tour plus tôt aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais. Ouais, c'est bien. Et alors, c'est une très bonne carte. Ouais. Et toi, Gaëtan, excellent. C'est quoi ta carte? Attends, la lady, c'est celle qui tour 1, qui te dit en gros, chaque fois que tu joues un personnage, elle gagne plus 1 d'attaque pour le reste du tour, et que tant qu'elle a 3 d'attaque, elle l'aura à plus 2. Donc en gros, c'est une 0-3. Donc en gros, si tu joues 3 personnages, elle l'aura à plus 2. Mais en fait, elle combatte super bien avec le clochard qu'on a eu au 7-7. Le clochard coste 2 qui dit que en gros quand il arrive en jeu tu peux donner autant d'attaques que de personnages que d'autres personnages que tu as en jeu à un autre personnage, donc en gros tu peux mettre déjà la lady très rapidement à 3 d'attaque, quoi. Ouais, donc T1 tu fais lady, T2 tu fais le clochard, c'est ça, et tu l'auras 3 T2, quoi. En fait, en plus, le clochard, qui est coste 2, tu peux le payer pour 1 si t'as une lady en jeu. Ah oui, donc l'idée, ce serait de faire T1 lady, T2 un autre T1 into clochard, qui va du coup faire plus 2 à lady, et du coup, aura le plus 1 de l'autre personnage que t'auras joué juste avant, donc qui sera déjà à 3 d'attaque, et qui deviendra du coup une 3-3 qui pourra prendre soit un trade excellent sur le T1 ou le T2 adverse, ou soit partir pour 3 de l'or directement. Ah oui, c'est vrai que c'est très très fort. Et t'as aussi l'autre lady, hein, Baptiste, sur le T3. T'en souviens de celle-là avec le. Qui permet de jouer un. C'est celle de jouer un personnage de moins de 2 force gratuite, c'est pas ça? Qui coûte 2 ou moins, je crois. Et tu la joues gratuitement. Ah oui, tu la joues gratuitement. Ouais. Je t'avais dit. Dans ton plan, là, c'est vrai que tu vois, tu. T'as moyen de faire pas mal de trucs, ouais. Ah oui, la lady jaune, là, tu me parles, toi. Ouais. Ouais. Elle dit, je sais plus que. Effectivement, quand tu peux jouer quand tu la joues, tu peux jouer un personnage gratuitement. C'est ça. Et du coup, T4, après, tu shiftes ton clochard qui te dit que pendant le tour adverse, tu pioches une carte à chaque fois qu'il y a un personnage qui se fait bannir. Et voilà. En fait, t'as vraiment le T1, T2, T3, T4 qui est dessiné et ultra précis, quoi. Jaune-vert. Et est-ce que ça sera, pour moi, j'adorerais l'avènement des decks aggro dans la méta de Disney Lorcana, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours eu que du contrôle qui dominait. Est-ce que cette fois-ci... On va attendre la rotation, que soyez prêts de dégage, là. Ouais, et puis après... Les sissous, là. Oh, oui, ça va faire bien, ça. Les vieux sissous, là, les bagarres, là, et tout. Voilà. Barrez-vous, là. Et puis laissez-nous foutre le bord, tranquille. Merde. Ah bah... Bagarre, c'est 7-5. C'est 7-3, je crois. 7-3, ouais. 7-3, bagarre, je crois. Il me semble aussi, ouais. 7-3 ou 4. Je déteste celui-là. Je dirais plus 3, ouais. 7-4, c'est les sissous, il me semble. Oui, c'est 7-4, c'est les 6 sous, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, bagarre, c'est... Ah non, bagarre, c'est 7-4, c'était le même 7 que 6 sous, bagarre. Ah bah voilà. Donc, ouais, bagarre, c'est 7-4, ouais. Bon bah voilà, on a perdu les 50 000 balles, bravo. Non, bagarre, c'est le même 7 que 6 sous pour moi, donc ça doit être 7-4 aussi. Le doute m'habite. Ok. Pardon. Oh. Désolé. Reviens en face. Ah, mince. En un seul nom, en un seul mot. Et là, j'ai vu le reveal, je sais pas si vous l'avez vu, mais le reveal du Ralph Lacasse pilote enchanté, là. Pa, pa, pa. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu l'enchanté, effectivement. Mon rêve aussi, mon rêve que le deck pilote soit... Il y a quelle couleur, là ? Ralph Lacasse ? Jaune rouge. Rouge. Ouais, jaune rouge, ouais. Bon, deck pilote, quoi. Ouais, là, ils ont sorti plein de trucs. Ils ont sorti plein de trucs pour les pilotes, là. C'est un truc des zinzin. Ah, tu le sens venir, ça, le truc pilote aussi, là? Ah ouais, bah là, déjà, j'ai essayé de build sur le set précédent encore, le truc pilote, mais là, là ils sont en train de sortir pas mal de trucs. Faudrait que je regarde ça, ouais. T'as sa sucrerie qui te dit que quand t'as un personnage qui est banni, enfin, lorsqu'il est banni, tu peux renvoyer un personnage pilote de ta défausse dans ta main. Ouais. Donc t'as plein de trucs comme ça, t'as des actions, des rapages sucrés, tu pioches une carte, et après tu choisis un de tes personnages qui a une plus 1 d'attaque pour le reste du tour. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Et tu le bannis après à la fin du tour, mais bon, si l'autre il peut le repiocher derrière, tu t'en branles. Je le vois pas, le Ralph Lacasse. Je suis sur le... C'est une super rare jaune rouge. Super rare, cost 7, no ink, shift 5. L'effet... Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte personnage pilote de votre défausse coûtant 6 ou moins. Si vous le faites, gagnez un éclat d'or. Ouais, enfin voilà quoi. Tu vas avoir des boucles infinies à faire avec ce genre de trucs, je pense. Ah ouais, ouais. Floodborne. Ça peut être sympa. Ils sont vraiment en train de thématiser, comme ils l'ont dit dans leur dernier live, là, quand ils nous ont dévoilé les épiques et iconiques, tout ça. Ils sont en train de vraiment de plus en plus thématiser les decks, quoi, enfin les... Ça, j'aime bien, ça. En vrai, ça me hype, ça. Ouais, c'est le violet-rouge, c'est les vilains. Le jaune-rouge, là, c'est les races, enfin, c'est les racers, là, les pilotes. Les toutous, enfin, le jaune-vert, c'est avec les toutous, tout ça, enfin, les animaux. Avec les bers. Les clébers. les animaux de compagnie. Ouais, c'est ça. Violet-bleu aussi, c'est Anna et Elsa, la reine. T'as le jaune-bleu aussi, jaune-bleu, c'est très axé chiot aussi. Le deck chiot, jaune bleu, là, il continue à sortir des cartes dessus. T'as bien sûr. Rouge, gris, c'est très Mulan, j'ai l'impression. Mulan. Bon, ouais, c'est Mouchou, c'est, hein. C'est l'arrivée de Mouchou. Ouais. Mais je vois ça. Mais non, c'est vraiment cool. Ils ont... Alors, il n'y a pas non plus énormément de. Bon, il n'y a pas que des bonnes cartes, forcément, dans l'extension. Mais il y en a certaines qui vont pousser au deck build encore une fois de certains trucs, notamment le Ludwig von Drake qui pousse à fond la bicolorité jaune-bleu, qui dit que pour deux tu le joues, bah tu regardes la main de ton adversaire, tu le défausses d'une carte non personnage, et ensuite quand il est banni ton Ludwig, tu le mets dans ton encre. Donc, le gars il est vraiment ultra pratique, quoi. C'est cool, ils te poussent des archétypes comme ça, comme dans le 7-7, de toute façon ils ont poussé avec comment il s'appelle, le geyser d'encre et compagnie, quoi. Ils voulaient vraiment qu'on joue vert bleu, quoi. Mais après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je sais pas. C'est vrai que le deck racer, tu vois, il l'avait poussé aussi encore dans le 7-7, mais il le prépare pour l'arrivée de Pixar quand il y a toutes les bagnoles de Cars qui vont arriver, mon gars. Oui, oui. Tu l'attends avec impatience, toi, Baptiste. Ah bah moi, j'attends que ça, moi. Cette licence. Que... Tu vas acheter une Porsche ce jour-là. Je vais arriver dans la boutique, je vais faire un gros drift. Ciao. Ciao. le, ça sent le pneu drift. Eh, n'empêche, il pourrait s'appeler comme ça, le deck drift. Hein. Ouais, le deck drift. C'est ouais. Classe. Hein. Je viens de voir un truc qui va. Alors, c'est tout bête, mais je viens de regarder ce que l'application. La mini, la défenseuse Hardy, elle a l'air pas mal en jaune-rouge, là. Montjoie, Saint-Denis. Je sais pas si vous avez défenseuse Hardy. C'est ça, oui, Hardy. On avait déjà dit Hardy. J'aime pas trop. Ah ouais? Pardon, c'est 0-8, rempart. Et ce personnage gagne plus 1 de force pour chaque dommage sur lui. Il y a moyen qu'elle soit fière. Moi, je l'aime bien, mais encore une fois, ton adversaire, forcément, il est très intelligent et il va faire en sorte de la poutrer, mais de façon clean. Il va envoyer juste ses larbins dessus à la fin et c'est tout, quoi. Alors, enfin, oui, il va taper avec une fois avec Maui, puis ensuite il va prendre une 2-2 et allez, on n'en parle plus, quoi. Ouais, mais quand même. Ça dépend des cartes qui seront rééditées, mais là, enfin, je veux dire, oui. Dans l'état actuel du jeu, ça prend bagarre, ça prend plein de gestion, ouais. Ça prend une petite 6 ou. Oui, je sais pas, je suis pas fan. Je veux dire, 0 d'attaque de base, c'est pas. Bah, ouais, mais elle peut embêter, en fait. Je trouve. Elle peut te ralentir en face. Quand t'es en face, elle peut te ralentir. Bah, en soi, c'est vrai que c'est toujours un anti-bet en moins dans la main de ton adversaire, quoi, du coup, mais c'est sûr que si tu joues, c'est quoi, ça coûte 4, je crois. Ouais. Ouais. Si tu joues ça, t'es 4, et que le mec il te le gère juste après, t'as perdu ton tour, quoi. Ouais. Bah... Ouais, puis c'est surtout que tu laisses un peu l'opportunité au gars de pouvoir jouer une réponse clean. Le mec va juste te mettre 3 dégâts dessus, envoyer un autre truc dessus pour se faire 3 dégâts, hop, piocher 3 réponses. Oui, ouais. En fait, le truc, c'est que tu... Je sais pas, j'aime pas trop l'idée de la carte. En fait, elle est bonne dans le côté ok, si on imagine que c'est une 3, du coup, une 3-5, ou alors, je sais pas moi, un petit peu plus. Là, c'est intéressant d'avoir un bon bodyguard comme ça, qui est ma stock, mais ça sera pas le cas, on va dire, parce que elle va se faire gérer d'une certaine façon, quoi. Enfin, ton adversaire il est pas stupide, soit il la one shot, soit il utilise un anti-bet dessus, soit il va te la laisser et finalement bon après ça dépend de ton board et tout ça. Après en soi elle rentre bien dans la bicolorité dans laquelle elle est, mais parce que tu vas avoir envie de chanter des tisses dessus pour lui mettre 2 dégâts, commencer à taper le board adverse, du coup la mettre à 2 d'attaque directe, pouvoir mettre tes réponses dessus, mais je sais pas. On en reparle aussi un jour, une carte qui te dit, une carte d'action qui te dit, ok, tu mets 5 dégâts à ton personnage et tu pioches 5 cartes, ok. Là, ouais, ok, t'as une carte qui peut être sympa, quoi, mais qui peut tanker, on va dire, ce genre de dégâts. Quand vous regardez, vous jouez les mêmes couleurs à chaque fois, généralement, ou vous changez un petit peu? Bon, on teste un peu tout. Hein. Un peu tout. Gaëtan aussi, vous tournez pas tout le temps autour des mêmes. Moi, j'étais un petit peu beaucoup, même sur les 3 premiers sets, j'ai joué que Ruby Améthyste. Après ça a dérivé justement au 7-3 où j'avais eu ce bon deck Ruby Amethyst qui avait bien marché dans un des opacs. Après je suis passé à green Fassa, jaune vert, et puis ensuite ça a été vraiment succession de on teste plein de decks et finalement on prend celui qui marche, on va dire, entre guillemets, le plus. Steel Song notamment, ouais. mais c'est vrai que ouais, tu jongles en fait, t'es obligé parce que ta bicolorité elle sera jamais à part au début, et c'était normal parce qu'il y avait pas beaucoup de cartes, je pense. Ta bicolorité elle va pas perf à tous les sets, quoi. Ouais, donc ça. T'es obligé de t'adapter, de changer un petit peu, ouais. Ouais. C'est ça. À noter que dans le 7-8 du règne de Jafar, il y a une nouvelle licence qui est Bambi, si je me trompe pas. Ouais, Bambi, oui. Ouais, Bambi. Bambi. Chut, Bambi, fait dodo. Quel arrêt. Voilà. Aïe, je l'ai aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Étrange qu'il y ait la ref. Tu connais? Oui. Baptiste. Hein? Bobby, il fait dodo. Tu l'as la ref ou pas? Non, pas du tout. Tu l'as pas. Les comment ça s'appelle? C'est les trois frères. Les inconnus. Il prend une drogue qui s'appelle Disneyland ou je sais pas quoi. Ah, mais moi j'ai moins de 30 ans aussi, c'est peut-être pour ça. Ouh, d'accord, ok. Oh là, okay. Jeune et beau à la fois. Isma. En tout cas, c'est un set qui a l'air bien et je suis content parce que j'ai l'impression que les Bicolo. Les doubles couleurs ont l'air plus intéressantes que le 7-7. Je sais pas vous, mais je trouve plus intéressantes que le 7-7. Oh, il y avait des cartes quand même assez intéressantes en bicolore. Discutable. Ouais, c'est ça. Discutable. Moi, j'ai pas trouvé que, honnêtement. Bah, la Lady, je suis désolé, vous allez dire que je m'obstine avec mon deck de clébard, mais. Lady et Clochard étaient des très bonnes cartes bicolores du 7-7. Alors, Cobra Géant, je l'ai. Cobra Géant, très bonne carte. Troubadour, très bonne carte. Les Saints d'Almatien, tu vas me dire que c'est des très bonnes cartes aussi? Non. Je le gueule. Il y a une limite à la connerie, quand même. Pardon. C'est les cartes à collectionner, ça. C'est pas les cartes à jouer, c'est ça? Penny, bonne carte aussi. En vrai. Penny, bonne carte. Voilà, après, j'en ai plus d'autres en tête, mais. Bon, ouais, le geyser, il pourrait. Voilà, mais en fait, on verra plus tard, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est bon, et on met ça là, ça existe. Mais tu t'en souviens, c'était quand même la première carte bicolore qu'ils nous ont dévoilée et que finalement, on s'est tous dit Oh OMG malade. Oh my gosh. Et finalement. Et en fait, c'est nul. Non, c'est nul. Alors, deuxième chose, j'ai l'impression que c'est aussi l'avènement des cartes illusion. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Illusion. Donc, ah oui, bah ça ouais. c'est le set de Jafar, effectivement, oui. C'est un peu sa marque de fabrique quoi dans ce set là. Donc effectivement, ils en ont mis plein, mais pas assez à mon goût, je pense. Moi, t'as toujours fait je sais pas. Bah en fait, genre dans une autre extension, je parle de la concurrence, mais bon, là, Magic, admettons, tu vas sur une extension avec des dragons. Et bah t'en as plein des dragons, tu vois. T'en as plein. Alors que là, tu vois, c'est une extension où théoriquement il devait y avoir une invasion de comment on appelle ça, d'illusions. Et finalement, on en a combien? On a peut-être on a pas tout vu 8, encore. 9, 10. Si, là c'est bon, c'est pas mal. Bon, bah, on a tout vu alors. Effectivement, c'est pas très très nombreux. Après, j'exagère peut-être, il y en a peut-être 150. Non, non, quand même pas. Je crois qu'il y en a, peut-être 10 ou 20 maximum. Ouais, ça disparaît. Oui, mais c'est pas. C'est un peu dommage. C'est dommage, mais justement, je crois qu'il y a un Jafar qui, justement, quand t'as des personnages d'illusion, je sais plus c'est lequel. Oui. Moi, ils en ont ressorti un. Ouais, ils en ont refait un autre même. Bah, celui qui est l'image du set. Quoi. L'image du set, ouais. Voilà. Donc, ouais. Ouais, est-ce que vous êtes prêts pour votre premier petit jeu? Oh parce oui. Que, ah oui. Vous êtes prêts? Nous allons jouer pour un question pour un Glimmers champion. Oula, oula. Ah ouais, ici Julien le Perse. Je suis très mauvais imitateur, donc j'essaye, les gars. Ah bon? Je suis Jean-Michel qui imite mal. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vendable, là. Ah ouais. Ah ouais. Bon, le jeu, question pour un Glimmers champion. L'idée, c'est que vous êtes tous les deux l'un contre l'autre. J'ai une question à poser qui est un peu longue, bien entendu. Vous pouvez me couper au milieu. Par contre, il ne faut pas vous foirer. D'accord? Parce que si vous vous foirez, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Bah, l'autre aura tout le temps de répondre et attendre la fin de la question. Voilà. Donc, c'est comme question pour un champion. Mais c'est question pour un. Quand on veut, on peut répondre, quoi. Question pour un Glimmer champion. Voilà. Oh là là. Voilà. Donc, il faut. C'est très important, les gars. Ah ouais, je suis tiré d'un. Tu sais que c'est même plus lui maintenant en plus. Non, c'est plus lui, je sais. Ouais, c'est plus lui. Première vas-y, question. Vas-y, je sens que ça te fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là? J'essaye de tenir l'imitation. La fausse imitation. Ah ouais, alors, du coup... Il a juste le « ah ouais ». Ah ouais. Je vais claquer mes fiches. Je vais claquer mes fiches aussi. Pas le bruit des fiches, ça, mais ok, vas-y, vas-y. Ça peut faire un autre bruit, c'est vrai. D'ailleurs, vous savez pourquoi il n'y a jamais de ballon sur le plateau de questions pour un champion? Oula, parce que Julien le perce. Voilà, c'est ça. Voilà. Première bonne réponse, c'est ça? Non, je ne comptais pas. Ah merde, ça ne comptait pas, merde. Alors, le but, c'est que vous trouviez une carte. D'accord. Trouvez une carte. Attention, vous avez droit qu'à une réponse. Donc, bien sûr, vous pouvez me couper en plein milieu, ce n'est pas dérangeant. Il ne faut pas vous foirer, parce que sinon, l'autre, comme je vous dis, il aura tout le temps d'écouter religieusement. Vous êtes prêts? C'est tout s'être confondu? Oui, tout s'être confondu. Ok. Oula. Je suis tiré d'un dessin animé sorti en 1964. J'accompagne un jeune qui est normalement dans la quête d'une célèbre coupe qui contiendrait le sang du Christ. J'affronte un autre match de manière spectaculaire. Je suis venu. Vas-y. Arthur? Non. Oh, pardon. Tu peux plus répondre maintenant, c'est Baptiste qui est tout seul. C'est forcément l'ancien, mais j'ai trouvé la carte pile. Donc. Je suis connu sous ma forme crabe, écureuil, tortue. Je suis... Bah c'est Merlin du coup. Scheisse, scheisse. Mais je pensais qu'on devait donner une carte précise. Oui, bah, Merlin, quoi Merlin quoi? Je attends, suis t'as dit... crabe, écureuil, tortue. Je peux être crabe, écureuil, tortue ou qui chèvre. Merlin chèvre. Bravo, Merlin, là, chèvre. Voilà, Merlin chèvre. Quel beau gosse. Franchement bravo. Là. J'avais la licence quand même. Hein. Je l'avais aussi, mais du coup, j'attendais pour trouver la bonne carte. Mais... parce que c'était... Aïe, aïe, aïe. Quel attention, débutant. Un peu plus difficile, là, les gars. En fait, ma strat, je vais juste te laisser te foirer. Ouais. Et après, je vais rester jusqu'à la fin de l'énoncé, moi. Un point pour Baptiste. Attention, prêt. On peut me manger avec de la mayonnaise ou de l'aioli. Je suis grand, fort, costaud. Je collectionne plein d'objets du moment que ça brille. Certains... Moi. Tamatoa. Et je vais dire... Petit crabe triste. Et non. Et merde. Du coup, t'es tout seul, mon petit Gaëtan. Certains pourraient manger ma tête. Je finis ou quoi? Je finis pas. Je peux finir comme ça. Je finis. Non, j'ai mis du temps à faire les questions, si je peux au moins s'il te plaît. Mon dos est une véritable brocante, digne de Louis la brocante. Les joueurs qui m'apprécient sont tout aussi collectionneurs que moi. Ils peuvent l'aurer tant qu'il y a des objets. Oh. Ah, faut donner le sous-titre, là. Bah, le sous-titre de la carte. Bah oui. Bling bling. Bah oui. Eh bien oui. Pardon. Tamatoa bling bling. Ah, chapitre 1. Tamatoa bling bling. Ça va, vous êtes fort à ce jeu au final. Non mais les sous-titres, je les ai pas appris. Hein. Vraiment que ça soit une carte ultra méta. Hein. Oui, j'ai fait en sorte que ce soit des cartes. Oh dur. Vous dites méta. Voilà. Attention, prêt pour le troisième, les enfants. Donc ça fait 1-1. Oui. Ah oui. Oui. J'en ai 5, donc va falloir vous départager. Alors, attention. Je suis un animal inspiré du koala et du bulldog français. Je suis muni de griffes, je rétracte mes antennes et mes bras. On m'appelle l'expérience 6 de 6. Je suis de couleur bleue. Ma meilleure amie est une hawaïenne dégourdie, toujours accompagnée de sa souillon. J'adore Elvis Presley et toujours muni de ma guitare. Je suis... Moi, Stitch Rockstar. Oh là là là là là là. Il l'a. Il l'a le coquin. Il l'a eu. Il l'a eu. Gaëtan, tu l'avais pas? Bah, je l'ai gagné, mais je l'ai eu aussi, mais. Trop tard. Je l'ai gagné, mais je l'ai vendu. Je l'ai vendu, ouais. Je l'ai vendu, effectivement. Ça m'a permis de gagner. Voilà. Attention, ça fait 2-1 pour Baptiste. Et d'ailleurs, il est juste là, si vous voyez sur ma cam. Ouais, on voit derrière, ouais. Oh! Vous êtes triché! Ah, j'ai triché. Mes dents sèches, elles sont pas très discrètes. Mais... Là, tu l'as volé dans un DLC, c'est pas possible. Non, on me l'a fourni en plus, c'est en bien gentil. Ouais. 2-1 pour Baptiste, attention. Gaëtan, faut te réveiller là. Hein, parce que là, bah ouais, non, mais t'inquiète, c'est parce que je suis sur la fin. Ouais, d'accord. Je suis mieux sur la fin. Je suis un gros balèze avec des gros bras bien musclés. J'ai un hameçon qui me permet de pêcher. Mais moi, Maui, idole des hommes. Oh là là. Je vais quand même finir. C'est pas vrai. Donc, j'ai un hameçon qui me permet de pêcher, mais aussi de me transformer en requin ou en aigle. Je peux charger mes adversaires sans qu'ils s'en remettent. Ma meilleure amie ne sait pas toujours bien naviguer. Je suis Maui. Maui, idole des hommes. Bon, ça fera. Et des femmes. Et des femmes. Il a gagné. Je disais Gaëtan. J'ai gagné à toi ? Non, bah non, Baptiste a gagné. De 3. Ah, ouais, t'inquiète, on partage, on fait 25 000 balles chacun. Mec. Je vous propose quand même de faire le dernier pour le fun. De faire le dernier pour le fun. Ah oui, s'il te plaît. Voilà. Ça vous a plu ? Ça vous plaît comme jeu, j'ai l'impression. Ah oui, j'aime bien, moi, j'aime bien. Attention. Ah, je pense que c'est plus Gaëtan qui va l'avoir, celui-là. Ah. Oula, dis pas ça tout de suite. C'est pas sûr. J'accompagne ma maîtresse qui est connue pour ses cornes. Je suis son faire-valoir, son second, ses yeux, ses oreilles et aussi ses ailes. Moi. Mon parrain. Oh oui. Merde. Alors, la bonne chance, gars. Choisis bien. Ah, purée. Ah oui. Allez. Ouais, tu peux dire Diablo. Diablo. Allez, vas-y, attends, vas-y. Comment il s'appelle? Il y a Devoted en anglais. Mais c'est lequel? C'est ça le problème, c'est lequel? Ah, je ne sais pas. Si, t'as encore du temps, réfléchis. Patrick, peux-tu m'aider? Attends. De toute façon, il y en a deux qui sont. Il y en a trois qui sont méta. Oui, trois, oui, c'est vrai. Les deux verts et le violet. C'est l'autre là, c'est le. Vas-y, c'est le Devoted. Si c'est celui que tu cherches, ta réponse normalement est messager dévoué. C'est raté. C'est dévoué, c'est ça, c'était messager dévoué. Bravo, Baptiste. Bravo, Baptiste. Non, c'est toi qui l'as eu, mec, bravo à toi. Trop fort. Non, t'es malade, toi. Quand il le chante. On fait 50-50. Allez. J'ai un point et demi, alors ça veut dire oui. Un point et demi. Ouais. Un point et demi. Bon, pour finir, c'était quand je suis épuisé, je permets à mes alliés de piocher. Voilà. Bah trop oui, fort. Il est tout de suite capté, le mec. Trop fort, le Diablo. Ouais. Voilà, ça vous a plu comme petit jeu, j'espère. C'était génial, cool. Bravo à toi. Voilà, ouais, merci. Julien Lepers est en moi, à ce moment. Ou pas. Voilà. Oula. Et oui. Oula. Gaëtan le fasse du coup dans ses stories. Oh non. Je fais déjà assez de personnages, les gens me prennent pour un taré déjà. Bon, après ce 7-8 a été annoncé l'arrivée du chapitre 9, enfin 7-9 parce que j'ai chapitre 1 on va dire. 7-9 ouais, effectivement. Attention. Attention, le premier qui le dit, je pète la gueule. Je peux devenir violent à tout moment. Je suis quelqu'un de calme hein, de base. Mais là, si tu dis chapitre, ça va pas le faire. Et donc, l'annonce, c'est que Baptiste, tu en avais parlé dans le dernier podcast qu'on avait enregistré. C'était de quoi ? On avait parlé de la rotation. Rotation. Ah, tu vois. Ouais. Baptiste l'avait annoncé. Avant-gardiste. Carrément. C'est tu es le Merlin de l'Orcana, t'arrives à deviner tout à l'avance. Bravo. Tu vois. Le prochain personnage. Faut que tu te déguises avec moi. Là. Allez, on fait. On fait ça. Allez, on va aller à des soirées déguisées. Merlin. Donc en plus des nouvelles raretés, donc et de l'arrivée du chapitre 9, l'arrivée du chapitre 9 va annoncer du coup une rotation de 7. À l'Orcana. 7-9. J'ai 7-9, s'il te plaît. T'as dit chapitre 9. Tu vas te faire, tuer par Gaëtan. Voilà, bon, celle-là, on va partir. Tu vas pas la voir arriver. Hein. Vous voyez pas les gens, mais Gaëtan, il grince des dents quand on dit chapitre 9. Ça me tend, ça me tend. Ça me tend. J'imagine bien avec une fougère à poursuivre les gens, il se tient. Il me faut une dragonale. Donc voilà, une nouvelle du coup qui avait été prédite en avance par Baptiste. Baptiste, bravo à toi. Voilà. Bon, c'était logique. Oui, pour toi, mais pour des joueurs comme moi qui ne connaissent pas les TCG spécialement et qui n'aient pas de vision sur le futur sur ce jeu, bah, écoute, t'as réussi à trouver. La rotation, donc les cartes des quatre premiers chapitres qui sont Gaëtan. oui, les 4 premiers sets déjà. Commence pas là. C'est-à-dire dans ce podcast, il me provoque tout le temps l'animateur, ça me saoule. Excuse-moi. C'est insupportable. Attends, fais le malin. Vas-y, fais le malin. On va voir si tu te rappelles du nom des 4 premiers sets. Alors, premier chapitre. T'es sûr que c'est pas l'inverse? Hein? Le premier set? Ouais. T'es sûr que c'est premier pas chapitre. Le chapitre premier? Ah non. Ah non. Chapter. Oui, c'est ça. This is the first chapter in American for the American people. And yes, I think it's relou. Deuxième set, l'ascension des floatborne, rise of the floatborne. Yes, of course. American. Il a un accent, le mec. If you want to mean man, what again, beast to fly first. Il a dit beast to fly. Le troisième set. Les terres d'encre? Non. Ah non. Oh, si. Bah si. Mais non, mais c'était pour lui donner le doute, Baptiste. Super, merci. Ah pardon, excuse-moi. Bah si. Non, mais j'ai into the Inklands. So the Inklands, man. Le quatrième set? Oui. Baptiste? Le retour d'Ursula, bien sûr. Ursula's Return. Oh man! Oh wow, again! Donc, ces quatre premiers sets, et pas chapitres, bien entendu, ne seront plus autorisés en format construit pour les événements officiels. Mais Gaëtan va nous en dire plus, hein, Gaëtan, parce qu'il a fait nombreux lives dessus. Mais rassurez-vous, il y a un nouveau mode. Bah, justement, lequel? Baptiste. Il est dans la sauce. Non, mais c'est le nouveau format Infinity construit, bien sûr. Construit. Infinity en version française. Qui fait écho à un jeu vidéo de Disney hein, aussi. Donc, c'est là où on voit aussi qu'il. Ravensburger prend aussi pas mal de choses qui sont déjà. Enfin, qui existent déjà dans l'univers Disney, à savoir les boîtes des Illuminaires Quest et les boîtes des Villainous. Chez Ravensburger, Infinity, c'est le fameux jeu vidéo de Disney, etc. etc. Bon, en tout cas, ça vous permet de jouer avec toutes les cartes. Ça vous permet de jouer avec toutes les cartes éditées. Enfin, non, pas toutes. Sauf Fluttershy et sauf Fluttershy et Fortisphere. Sphère, ouais. Merde. Vitesse. Comment vous dites le français? Sphère d'endurance. In French, it's very simple. It's Sphère d'endurance. Ah, oh, ok. Do you know Emily in Paris? It's good. It's very very good. Alors, on a quand même, si je me trompe pas dans le 7-9, où j'ai failli dire chapitre 9. Ouh là là là. 7-9. La moitié sera dédiée à la réédition de cartes. Il faudrait que tu m'éclaires un petit peu, Gaëtan, là-dessus. Je sais pas trop compris si on pouvait réutiliser les anciennes qui sont rééditées. Tu vois, il faudrait que tu nous éclaires un peu. J'ai cru comprendre que la moitié des cartes du chapitre 9, c'était des rééditions. Voilà. Et donc on ne sait pas forcément lesquels, du moins ils n'ont pas annoncé, je crois qu'ils ont annoncé que 3-4 Rockstar. Ouais, on sait quelques-unes, ouais, on en connaît quelques-unes, effectivement c'est le Stitch Rockstar, on a aussi le Winnie l'ourson qui vient du set 2, il me semble, qui est magnifique, attention, en enchanté, parce qu'ils nous ont montré aussi une enchantée du set 9. Mmh. Et cette enchantée là, c'est plutôt beau gosse quoi. Hein le mec il a la classe. Et après, t'as aussi le Maléfique Dragon. Mmh. Maléfique Dragon qui est carte du set 1 du coup, et qui revient effectivement. La moitié du set, comme tu l'as dit, sont des réimpressions. Est-ce que ça peut décevoir? Alors, c'est un gros débat et finalement. Moi, ça me saoulerait d'avoir des cartes que j'ai déjà, si vous. J'ai eu une discussion un petit peu rythmée avec un de mes abonnés là sur YouTube, justement, qu'on a parlé cet après-midi. Tu veux qu'on y aille avec Baptiste, lui casser la figure? Bah. Non. Mais en fait. Non. Non, non, non. C'est ta vie libandée. C'est assez constructif. Hein? Il t'a vilipendé? Non, non, non, mais de toute façon, il était ultra sympa. Oh, bon, alors, du coup, il est gentil, alors. Ok. Oui, non, mais après, c'est très sympa, et puis je l'emmerde. Et... finalement, voilà. Mais je sais que j'ai raison, il a tort, et tu te tais, quoi. C'est tout. Mais, ça se passe ici. non, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a vraiment deux écoles. Il y a vraiment ceux qui crient à la catastrophe et qui disent vraiment c'est n'importe quoi, c'est une très mauvaise décision et compagnie. Et il y a ceux qui, ok, ça va nous permettre de pouvoir faire quand même des trucs qu'on connaît dans la rotation, quoi. On n'aura pas vraiment un total inconnu où on va partir de zéro. Et, enfin, après, on ne le sait pas, en fait. C'est vrai que là, on connaît trois cartes, admettons. Il n'y en a que une. Enfin, c'était quoi la première déjà? C'était. C'est Stitch Rockstar. Le Stitch Rockstar, ouais. Le Stitch Rockstar a été joué. Sur le set 1 et 2, à la rigueur, surtout le set 1, c'était le Turbo Stitch, c'était le premier deck qui était pas mal aggro. Mais après, plus de son, plus d'image, quoi. Après le set 2, quoi, c'était plus de son, plus d'image, quoi. Donc, on va pas faire grand chose avec ça. Le Winnie l'ourson, c'est une 5-5 flat, vanilla, qui fait pas grand chose. La Maléfine Dragon, effectivement, elle était jouée, mais dans des decks ramp qui, du coup, avaient moyen d'avoir 9 d'encre assez rapidement. Elle est plus jouée, d'ailleurs, la Maléfique Dragon. Je la vois plus dans les méta. Si un petit peu dans des bleus-rouges, mais c'est plus... Non, elle est plus trop jouée. Et d'ailleurs, on en parle, ça a aussi été annoncé que ce serait la carte du championnat de 7. Oui. C'est ça, Maléfique. La Maléfique Dragon sera la carte à gagner au championnat de 7 du 7-9. Ouais. Ouais. Ça serait et le tapis. Est très belle. Le tapis, maman seigneur, moi, il va être sublime. La carte est sublime. On a vu la carte. La carte est sublime. Je veux voir le tapis maintenant. Mais je pense que le tapis sera aussi sublime. Ah, oui. Moi, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est que maintenant qu'il n'y a qu'un tapis pour le gagnant, juste mettez, les gars, le budget des deux tapis dans un seul et foutez-nous un tapis foil, quoi. Ouais. Comment ça serait trop stylé. Tu te dis là les gens ils vont venir en boutique parce que là si vous avez regardé mais là sur ce set les championnats de set c'est mort quoi, c'est le désert de Gobi le truc, il y a personne. Ma boutique ne remplit même pas son championnat de set alors que habituellement c'était rempli. Ouais, blindé, là non, personne ne vient parce que les cartes ne valent rien, le tapis est moche et voilà, c'est alors que là tu fous déjà Maléfique Dragon qui a de la gueule qui peut être joué. Ok, j'y vais. Tu me fous un tapis foil, Maléfique Dragon en plus. Bon, là, j'y vais tous les jours. Il y a effectivement des décisions qui devraient être prises. Chez Ravensburger, bon, après, on y travaille. Embauchez-moi. Mais c'est là où, oui, effectivement, il faut nous embaucher, peut-être. Voilà. Non, après, c'est des idées, mais effectivement, c'est pas des idées stupides, parce qu'en fait, il faut vraiment fidéliser les gens et leur montrer, t'as vu, on te donne pas un truc nul. Tu vois. Bon, ok, il y a ce... On peut pas dire non plus que c'est dégueulasse, que c'est moche et compagnie. Après c'est les goûts et les couleurs. Mais là le Scar par exemple, ou alors le comment il s'appelle le dernier là. Hero, là. Parce que je l'ai pas gagné. Hero Amada effectivement. Ouais. C'est ok des illustrations qui bon c'est des belles illustrations. Ils font un travail de fou les illustrateurs. Par contre là-dessus ouais. Mais après c'est pas des personnages iconiques que tout le monde adore et en plus c'est pas comme tu l'as dit c'est pas des cartes méta et tu mets des cartes méta à des joueurs, je peux te garantir qu'ils vont comme tu disais ils vont se flinguer pour l'avoir quoi. Clairement. Et en plus sur ce truc là ça rajouterait du coup au niveau financier une valeur supplémentaire et les cartes vaudront en tout cas plus que 50 balles quoi. Bien sûr. Ce serait cool quoi. Et le playmat, j'en parle pas, c'est un truc, tu retires le champion là. Bon, à la rigueur, le champion, bon, c'est ok, t'es champion, machin. Maintenant qu'il y en a qu'un seul, ça passe mieux. Force, c'est obvious. Ouais. C'est obvious que si t'as gagné, c'est que t'es champion. Ouais, c'est ça. En soi, ouais, c'est vrai que si, vu qu'il y en a qu'un seul, tu le mets pas le champion, mais par contre, tu rajoutes du foil dessus, là, effectivement. Ah ouais. Ah ouais. Ça, là, je suis désolé, mais maintenant qu'on a vu les playmat foil réponse des DLC et tout, je suis désolé, mais le truc, c'est sublime, quoi. Ouais, c'est juste trop beau ce qu'ils ont fait et il faut continuer là-dessus, je pense. C'est ça, ouais. Et ça, je peux te garantir que ouais, si tu rajoutes de la valeur comme ça à ces produits-là, effectivement, tu vas attirer de plus en plus de monde. Mais maintenant, il faut qu'ils gèrent un petit peu ce côté-là, je pense. Il faut se concentrer sur les collectionneurs aussi, un petit peu plus en tout cas, pour voilà. Ok, on le fait bien marcher le jeu au niveau compétitif, etc. Il y a toujours dans les challenges, on a eu des 2000 personnes à chaque fois. C'était contrario, par exemple, de Star Wars qui a fait là dernièrement à Lille, au même endroit que quand on a fait le challenge de Lille. C'est vrai que c'était rempli à 800 personnes, alors que leur canal, ils ont quand même eu 2000 personnes en un jour, quoi. C'était plié, quoi. Et encore, ouais, la première vague, 500 trucs, ça s'était vendu en une seconde, deux secondes, cinq secondes. Ouais, à peine. Donc, c'est de ouf. J'ai l'impression pour voir la hype, en fait. Parce que de passer de 500 à 2000 et des boîtes, c'était énorme. Enfin, je trouvais ça trop bizarre. Non, en fait, Disney, c'est. Ah, tu veux dire les places qu'ils avaient attribuées, quoi. Enfin. Après, effectivement, ils s'attendaient pas à un tel engouement, quoi. Je pense, honnêtement, quand tu vois le peu de stock qui était sorti sur le 7.1 au niveau des boosters, plus après, bah, du coup, la scène compétitive qui, pareil, était sous-estimée par Avezorir, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est la première année, c'est la première fois que tu sors ton TCG, tu dois pas risquer trop de choses financièrement, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y avait moins de choses d'imprimer, moins de place pour les tournois, parce que effectivement quand tu loues la salle à Lille pour un petit carré et la salle entière, c'est pas le même tarif, quoi. Donc voilà, il y avait tout ça qui rentrait en jeu, et quand ils ont vu que 500 personnes avaient acheté leur truc en l'espace de 2 secondes, ils se sont dit ok, banco, on se lance sur 2000, quoi. Et en fait, là, c'est pareil aussi, le championnat de 7 du 7-3, ils ont lancé le truc, ça a fait un carton de malade, parce que c'est la première fois qu'on voyait déjà ce truc-là, mais surtout aussi, c'était une carte aussi qui était jouée sur ces précédents sets et qui avait parlé aux gens et compagnie, quoi. Donc, il y a tout un truc comme ça qu'il faut peut-être... qui vont s'améliorer, je pense, avec le temps. Mais voilà, ça, on a un peu divagué sur le... Avec le Maléfique Dragon, mais c'est à peu près c'est important d'en parler aussi, quoi. C'est toujours important d'en parler, surtout que quand vous parlez tous les deux, c'est biblique, c'est à dire quand c'est passion, c'est... Ah oui, c'est... on vous écoute religieusement, hein. C'est... on sent la passion, ça, on nous le dit souvent. Abeus papam saint Gaëtan, priez pour nous. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors, vous en pensez quoi, vous, de laisser un peu Alors, si j'ai bien compris, la vidéo de Gaëtan, la dernière que j'ai vue, enfin, une des dernières, parce que je regarde toutes tes vidéos, Gaëtan. T'inquiète pas. Ah, c'est gentil. Oh, la groupie! Quand je peux. Des fois, je rentre. Non, c'est les lives, quand je peux. Mais hier, j'ai pu. Mais de ce que j'ai compris, gentil, c'est qu'il y a le corps construit qui, lui, c'est le format officiel, le tournoi, enfin, le format officiel du tournoi, qui, lui, bah, du coup, tout le temps, t'aura cette rotation. Mais l'Infinity construit, lui, c'est, il n'est pas du tout dans le format officiel pour les tournois, si j'ai bien compris. C'est plutôt pour les side events ou un truc comme ça. J'ai pas trop compris. Faut que je revoie ce que Ryan Miller avait dit dans la vidéo, justement, parce que j'ai zappé ce moment-là quand. T'as dormi un petit peu. Non, j'ai parlé en même temps sur le live, et donc du coup j'aurais pas dû. Et je crois que c'est pas, pour avoir regardé un petit peu, je crois que l'Infinity construit, il est pas prévu comme un format. Normalement, en fait, il y a des chances que quand même ils l'utilisent. Ils ont pas créé ce format-là pour juste le mettre au placard et dire ok les gens, vous pouvez jouer chez vous avec ça, quoi. Ou alors dans certaines boutiques ou des trucs comme ça. Je pense que ça va être utilisé dans, même pourquoi pas, dans certains challenges à certains moments. Moi, il y a une théorie que j'aimerais qui se concrétise, en tout cas, parce que on le voit dans les autres TCG avec Magic et encore une fois avec Flesh and Blood notamment, où par exemple c'est pas le même mode de jeu, mais en fait il commence avec les 4 premiers rounds avec du construit, avec le construit de base, quoi, et ensuite il passe sur les 4 prochains rounds sur du draft. Et ensuite, sur la dernière, leur dernier quart ou quelque chose comme ça, ils passent encore sur le construit. Donc, ça permet en fait de challenger un petit peu les joueurs et de pas simplement leur dire « Ok, bah, tu prends le meilleur deck et puis ensuite tu vois ce que ça donne. » Là non, tu vas devoir faire du deck build avec, avec ton draft et donc du coup vous montrer que t'es un bon joueur, tu vois. Là pour le coup on l'a pas avec, avec l'Orcana, même si j'adorerais qu'ils sortent un vrai mode de jeu draft et centré sur, enfin qui est fait pour l'Orcana et qu'on ait ça dans les challenges. Je suis très friand de ce truc là, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils mettent, admettons, les trois premiers rounds c'est du corps construit, ensuite les 4-5-6 c'est du Infinity construit et ensuite on termine encore avec le corps construit sur les trois derniers rounds. Il y a moyen de, ah ouais, de voir des trucs comme ça et ça permettrait de faire vivre de le... Ouais, bah, après c'est vrai qu'il y a, il y a, ouais, il y a deux écoles, enfin il y a effectivement deux écoles de gens qui vont se dire bah ok, ça veut dire que je vais devoir racker beaucoup plus déjà. Bah c'est ça. Il y a aussi, est-ce que t'aimes bien le mode de jeu Infinity parce que t'as des combos ultra pétés et que c'est plus trop, imaginons, hein, avec le cumul de tous les sets, qu'il y a des trucs un petit peu n'importe quoi, enfin voilà, ça se peut quoi, mais je sais pas. Est-ce que Ravensburger se concentrera sur le corps construit? Moi je pense pas. Je pense qu'ils vont faire vivre Infinity et maintenant comment? Ça, c'était la question. Ryan Miller, je crois avoir justement entendu ce qu'il disait, c'était qu'ils allaient utiliser ce truc-là. C'est sûr et certain dans tout ce qui est compétition, mais sur quoi et quand, ça, c'est encore une très grande question, quoi. Bonne ou mauvaise chose, les rotations, les gars? Très bonne chose. Très, très bonne chose, oui. Argument. Argument. L'argument que j'avais moi donné à Gaëtan sur son live, c'est que je trouvais que la méta était un peu répétitive en fait. J'ai l'impression que c'était toujours les mêmes cartes et que du coup ça donnait de la fraîcheur en fait à l'arrivée de nouvelles cartes et nouveaux decks, peut-être même nouvelles mécaniques. Mais cette fraîcheur là pour certaines personnes, ça, comme disait Gaëtan, ça peut effrayer aussi. Voilà, c'était. C'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne chose. Au bout d'un moment, tu peux pas te dire que allez, tu vas stack 14-7 et jouer avec 26 000 cartes. Non, c'est pas possible. Tu peux pas. En fait, c'est soit. Enfin, pour moi, hein, c'est mon premier TCG, donc je suis un peu mieux dans ce jeu. Mais tel que je vois les choses, c'est soit tu fais une rotation de 7. Et dans ce cas-là, tu rends obsolète des cartes qui sont sorties il y a plus longtemps que les autres. Ou soit tu laisses tout open, mais tu fais des ban listes. C'est-à-dire que en gros, tu dis que, bah, par exemple, on laisse toutes les cartes du chapitre 1 disponibles. Par contre, interdit de, comme ils ont fait avec Flavorsham et la sphère d'endurance, interdit de jouer Rêve Bleu, interdit de jouer Soyez Prête, interdit de jouer Maui, interdit de jouer, voilà, toutes les cartes qu'on voit depuis X7 dans tous les decks en x4. Et bah, celles-là, tu les enlèves et tu dis, bah, allez-y. Par contre, si vous voulez utiliser d'autres, vous pouvez. Donc, pour moi, c'est soit l'un ou l'autre. La rotation est mieux, je pense, à mon sens. Et j'espère que Dieu et Ravensburger m'entendent, que les DLC se feront post-rotation, que les prochains DLC se feront post-rotation, pour que là, vraiment, ça relance le jeu, que c'est nouvelle saison, nouveau jeu, nouvelle méta, nouveau tout ce que... nouveau tout, et que on reparte de plus belle, et puis let's go. Ça pourrait être justement une théorie que, justement, les premiers challenges commencent dès septembre, à la sortie du 7-9 et qu'il y a la rotation qui est là. Ça pourrait être... ce serait pas déconnant, hein, honnêtement. Surtout qu'en plus, ils vont nous annoncer au mois de juin, fin juin, ce qu'ils ont prévu. Alors, soit les mecs, ils vont zapper une année et ils vont nous dire les premiers challenges, c'est en mai. Ouais, bof. Soit ils vont le faire là, en septembre et il va y avoir 3-4 mois pour dire de... finir tous tes challenges quoi, que tu veux faire et les Worlds en janvier-février. Quoi. Ça serait un rythme comme ça, peut-être. Mais après, ce serait un peu dommage parce que... Enfin, dommage, oui et non, parce qu'en fait, ça... tout le long de l'année, en fait, tu fais des championnats de 7 et puis à la fin de l'année, tu te concentres pour tes championnats nationaux et compagnie. Quoi. Donc, pourquoi pas. Mais Rotation, c'est, ouais, c'est une bonne chose. C'est sûr que dans les réimpressions qu'ils vont nous mettre dans le 7-9, bah, il va y avoir des trucs qui pourront peut-être être joués, enfin qui auront déjà été joués, je veux dire, du style là, le dragon maléfique, ok, mais ça c'était pas non plus une carte ultra machin, ultra présente. Mais genre, s'il nous réimprime Ariel qui va chercher des chansons, ou alors la réponse, ou alors je sais pas moi, une 6 sous, une grosse 6 sous, Floodborne, des trucs comme ça. S'il nous réimprime des trucs comme ça, effectivement, on risque d'avoir une méta qui va pas non plus être trop bousculée. Mm. Maintenant, s'il nous réimprime des cartes comme le Winnie l'ourson, où personne ne le jouait, bah honnêtement, là, ça va être vraiment une... Moi, je pense que je suis... Mais il était plutôt... mignon. Personne ne le jouait, mais il était mignon. Mignon. Il a eu son playmat. Il est classe en plus. Hein. Il est classe. Hein, mais, il a eu son protège-carte aussi, et sa sleeve. Voilà, c'est ça. Mais non, ça pourrait être une bonne chose parce qu'en fait, on aurait. Enfin, d'avoir des cartes, je veux dire, réimprimées qui sont entre guillemets nulles, ça serait cool parce que on serait obligé de se triturer les méninges pour essayer de recréer des trucs, quoi. Et ça va être compliqué. Ça va être exactement la même chose que dans le 7-1 et 2, ce qu'on a eu, en tout cas 7-1, plutôt sur celui-là en tout cas, où ça a été vraiment la recherche de l'intégralité des cartes qu'on a, voilà, et puis on essaie de faire des trucs, de bidouiller des machins, et puis un coup on va te mettre des Cusco, et puis un autre jour on va te les retirer, et on va mettre, je sais pas moi, un autre truc. Et il y a des grosses phases de test comme ça, qui fait qu'il y a une méta bien diversifiée, pardon. Et ça, c'est vraiment cool. C'est le truc qui serait pas bien pour moi, effectivement, c'est qu'il y a dans la rotation, il y ait trop de cartes méta actuelles et que finalement, ça casse. Je pense pas. Hein. Je pense qu'ils vont laisser les cartes qui étaient méta à l'époque, tu vois, mais qui ne le sont plus maintenant pour les faire revenir. Genre, par exemple, Stitch Rockstar. Ouais. Chapitre 1, je suis désolé, mais c'était joué, quoi, tu vois. Et c'était très fun à jouer. Et honnêtement, quand tu vois, tu vois dans le deck Clébar, t'aurais peut-être moyen de lui faire une place, tu vois. Ouais. De spam tout TT1, TT2 pour draw à l'infini. Enfin, je me dis, un monde où le fait de pouvoir jouer en plus des personnages gratos avec la Lady T3 et tout, il y a un monde où potentiellement ça peut revenir, mais voilà, après, on a vu Clochette aussi, je crois d'ailleurs, qui reste. Ah oui, Clochette, effectivement. Ouais. Clochette, oui. Fée géante, qui reste aussi. Donc, ouais. Ça, pareil, c'est une carte qui a été très jouée aussi dans l'Humber Steel, dans les. Puis qui est encore un petit peu jouée, mais oui. Pas comme ça. Qui restait jouée dans le bleu-gris. Bleu-gris, ouais. Fait tout mais bien. Voilà, qui peut être intéressante encore à conserver. Mais je pense pas qu'il. Je pense que. Ça va pas garder des grosses cartes en mode soyez prêts, rêve bleu, tout ça. Alors, je pense que Rêve Bleu, ils lui ont fait une statue avec les Worlds en lui disant « Allez, ouais. Salut, merci pour les services rendus, à la prochaine !» Tout à fait, t'étais une bonne carte. Voilà. Je pense aussi, ouais. Après, c'est vrai que les gens vont peut-être rager du fait que « Ok, vous nous avez sorti notre carte que vous venez de nous donner là. » Mais en soi, le Infinity, quoi. Tu peux, ouais. Tu peux le jouer encore, mais dans... Ça va être la foire, hein, je pense. Hein. Vraiment, ça va être la foire, l'Infinity, mais... Ah, ça va être de plus en plus compliqué. C'est un peu comme ce que tu vois... Il y aura du monde, avec... tu penses, qu'ils vont faire plus d'Infinity que du corps construit ? Je pense que ça va être... Enfin, moi, je pense l'inverse. Je pense que ça va être toujours le standard, entre guillemets. Le corps construit, ça va être le standard, quoi. C'est... Parce que ça va être ça qui va être... Non, mais en matière de fréquentation, en fait, de joueurs dans les tournois. Tu penses qu'il y aura plus de joueurs à l'Infinity ? Les boutiques vont pas se casser les dents à faire du Infinity dans le sens où c'est pas ce que les gens voudront. Ravensburger les oblige. Parce que justement, avec Ravensburger Playhub, il y a un truc qui... ils l'ont dit, ça, Ravensburger, c'est qu'ils vont obliger les boutiques à faire cette semaine, ça s'appelle plus des ligues maintenant, c'est des jeux hebdomadaires. Ce truc-là, tu le fais. Ouais, ils feront tourner les formats, ouais. Et c'est tout, quoi. Voilà. Tu le fais pas en autre chose, quoi. Et ça, effectivement, il y a des chances que, du coup, Ravensburger oblige les boutiques à tu imposes le truc du Infinity cette semaine, ensuite tu feras du corps, ensuite tu feras ça, et ensuite tu feras ça. Il n'y avait pas une rumeur qui disait qu'en gros, il y aurait des invitations sur des DLC ou je sais pas quoi, en fonction des points de joueurs. En gros, de ce que tu parlais un petit peu tout à l'heure. Et je crois que tu pourrais en gros farmer les tournois boutiques et que ça te donnerait... en fonction de ton classement, des points, et qu'en gros, même si t'étais un peu naze à chier, t'aurais potentiellement la possibilité d'avoir plus de points qu'un mec qui fait deux tournois top 1, qu'un mec qui fait 20 tournois top 16, tu vois. C'est un... Ouais. Alors ça, je sais pas, j'ai entendu ce truc-là aussi, mais je sais pas. Je sais pas comment ils vont organiser leur hub là-dessus, mais... Ça serait bien d'avoir que ton circuit compétitif boutique t'aide, pourquoi pas, à accéder à des places parce que t'as montré ton talent, je veux dire, tout le long du truc, quoi. Et si, encore une fois, si on a cette théorie qui tient avec en septembre, on commence les challenges et donc du coup, on finit dans la fin de l'année et qu'en fait, t'as tout le long de l'année que des championnats de 7 et du jeu hebdomadaire, et ensuite à la fin de l'année tu montres tes compétences dans des gros events. Pourquoi pas tout le long de l'année tu marques des points pour essayer d'accéder au, je sais pas, top 500 du challenge et je sais pas, enfin une connerie comme ça, tu vois. Et ça te permettrait de te qualifier tout le long de l'année, quoi. C'est ce qui se passe, je crois, avec Flesh and Blood. Je suis encore en train de découvrir, parce que je suis encore nouveau dans Flesh and Blood, mais il me semble qu'il y a cette histoire de points. Moi, pour le coup, je suis 826e en France. Avec, oh, le boss. Oh, le crack. Une son classement. T'as dit quoi son classement ? Son classement. Je l'ai dit. 876e. Non, 826, je crois. Je sais plus. Non, mais actualise. actualise. En fait, il joue pas à Flesh and Blood. Mais non, mais hey, ça avec piège. Juste un bail et deux défaites. Donc bon, plutôt pas mal. Non, mais en soi, tu gagnes des points dans ce truc-là, et il me semble que du coup, vu que t'es, au bout d'un moment, t'es classé dans les 20 premiers en France, avec tes points, quoi, et ben finalement, t'as le droit d'accéder aux nationaux ou des trucs comme ça. Et ça, ce serait pas une connerie que Ravensburger nous donne sur le play-up, un système de points qui fait que ça fait notre palmarès, et grâce à tel montant de points, bah t'as le droit de faire J2, je sais pas, ou une connerie comme d'aller ça. D'aller au LCQ. Oui. Eh ouais. Imaginons LCQ, effectivement, c'est plus pour tout le monde, machin, c'est sur invitation et c'est vraiment les meilleurs joueurs de l'année. Bah ouais, pourquoi pas. Ce serait cool. Donc vous. Donc ça pousserait les gens à aller dans les boutiques et à jouer. Ah, c'est ça. Et donc, tout ça pour dire que la rotation, c'est une bonne chose. Et que je pense qu'on va s'embêter. Ça va être beaucoup plus agréable de voir autre chose que des mimes renards, autre chose que des sissous et autre chose que des... Je pense que ça en inquiète énormément. C'est mime renard, là. C'est la vie, le mime renard. Tu ne touches pas à madame mime renard, s'il te plaît. On l'a touché. Bah, fais-lui ses adieux, tes adieux, parce que. On la caresse si on veut, mais. La pilule. Il reste 4 mois à ta mime renard, là. Donc... C'est pas si elle est rééditée. C'est l'hérédité. Ça ferait beaucoup trop de cartes à rééditer. Bah, tout ça. En vrai, je pense qu'ils vont. Enfin, s'ils sont. Après, moi, s'ils rééditent Merlin Chef, ça me va. Après. Ah non, mais même. Enfin, je veux dire, s'ils sont malins, normalement, ils ont réimprimé aucune carte qui a été jouée sur cette première année. Parce qu'ils ont vraiment une volonté de... Ils nous l'ont fait comprendre dans leur live de... c'est bon, on passe à autre chose. On a vu que vous jouez jamais avec nos cartes soutien, on va vous les imposer, quoi. C'est un petit peu ça. Ah, tu veux pas jouer le deck jaune-bleu chiot? Bah tu vas voir. Allez, plus que deux encres dans leur cana, jaune et bleu. Alors vous jouez quoi? Là, Ah, tu vas jouer ouragan à chaque partie avec ça. Non, mais en soi, en plus, c'est vrai que ce deck-là dont tu dis, le deck Fio, jamais été joué, effectivement, parce que trop faiblard par rapport à ce qu'il y a nul, ouais, juste. Mais en soi, si tu nous sors une carte ou deux de Fio qui disent, bah, dans 5 tours, t'as gagné la partie, bah, ok, on va te la jouer. Ah bah oui, bien sûr. Donc, c'est, il y a, en fait, Ravensburger, c'est quand même des, c'est Disney, je veux dire, les mecs, ils pensent au friendly et ok, ils sont dans un TCG, on n'est pas stupide, on va penser au compétitif. Mais du coup, en faisant le mélange des deux, bah, du coup, tu te retrouves avec des sets où la moitié, c'est des cartes non jouables, voire le trois quarts, et le reste, bah, voilà, c'est que du compétitif. Et ce truc-là, c'est un peu dommage aujourd'hui, mais avec le 7-9 qui sort bientôt, imaginons avec le peu de cartes qu'on aura, on aura quoi? On aura 5-7 du coup, avec si peu de sets, éventuellement si on s'appuie sur des cartes vanilla pour essayer de faire des decks solides, ce serait pas une connerie quoi, tu vois. Ce serait une petite surprise parce qu'on n'aurait pas le choix, mais ça ferait jouer des cartes qui sont de base pas jouables, genre le Winnie Mourson, si on le joue parce qu'on n'a pas le choix, bah, parce qu'il est mignon, contents, c'est tout. Et nous, bon, on va essayer de s'en sortir, quoi. Ouais, non, mais après, on n'est pas. Tu regardes 7-5, là, c'était Ciel Scintillant. Tu jouais pas beaucoup de cartes Vanilla dans ton deck. Ah non, non, bien sûr, mais ça, c'est que j'extrapole le machin, mais effectivement, le gros problème, c'est que on a toujours joué avec les cartes des premiers sets, des deux premiers sets. Quand tu regardes bien, il y a presque aucun deck qui ne comporte pas une carte du set 1 ou set 2, quoi. Et en fait, il y avait une base comme ça, et cette base-là, elle marchait bien, et donc du coup, personne n'a voulu tester autre chose. Et donc, dans les compétitions, encore maintenant, tu te retrouves avec des Madame Mime, des Soyez Prêtes et compagnie. Mais qu'est-ce que t'as contre Madame Mime, là, haut? On touche pas, Madame Mime? J'espère que réponse, ils vont la rééditer. Ça me fait mal. Je crois pas une seconde. Et c'est que l'autre fois, moi, j'ai joué contre un gars, il avait aucune carte du nouveau set. Ouais, C'était rejoindre un petit peu ce que disait Gaëtan, c'est que c'est clair qu'à trop vouloir s'éparpiller, bah derrière les joueurs compétitifs, ils vont plus acheter de display, ils vont plus acheter de case, parce que bah au final les cartes ne valent pas assez cher à la revente, donc aucun intérêt, et donc du coup bah juste attendre et acheter son deck avec des cartes à l'unité directement et puis basta quoi. Et c'est ça qui est dommage en fait, et ils essayent justement de relancer un petit peu la machine bah avec leur nouvelle rareté etc, mais C'est vrai que l'idée qu'exposait Gaëtan de deck, enfin de booster parallèle pour un peu satisfaire le profil de joueur serait quand même un peu plus cohérent. Mais après, à mettre en place, trouver la bonne recette, trouver les bonnes cartes à mettre dans ces boosters, les bons prix, etc. Ouais, c'est facile en soi. Mais après, le Disney Arcana, c'est l'un des TCG les plus chers. Hein. Quand tu regardes un booster dans Flesh and Blood, c'est 5 euros. Et encore avant, c'était 3,50 euros. Le booster chez Magic, c'est 5-7 balles, je crois, un truc comme ça. Je sais plus trop aujourd'hui, mais je crois qu'on n'est pas loin. Yu-Gi-Oh, je vois, c'est 5 euros. T'as si peu de cartes dans le booster pour un prix de 6 balles, c'est bon, t'es bof quoi. Et il faut qu'ils revoient tout un tas de stratégies comme ça, comme tout ce qu'on a parlé ce soir, de quantité de cartes dans les boosters, rareté dans les boosters, de drop dans tout ce qui est épique. Iconique, bon, iconique, ça on peut le laisser de côté, c'est vraiment la perle rare, machin. Mais l'épique et la légendaire et l'enchantée, faut vraiment revoir tout ça. Il y a plein de trucs en fait à revoir on l'a dit ce soir, pour faire en sorte que les collectionneurs, les joueurs se mettent à fond dedans. Et voilà, après, c'est un TCG qui a déjà eu le plus gros démarrage de toute l'histoire du TCG. C'est lui qui a le mieux marché au début. Maintenant, ils tiennent un truc, Disney, la licence, elle est ultra forte. Faut juste pas qu'ils nous foutent des Stormtroopers au bout d'un moment, quoi. Mais sinon, ça va être un peu. Voilà. Non, ils peuvent pas. Il y a Star Wars Unlimited, je crois déjà. Donc, ils pourraient, mais t'inquiète, les mecs, ils pourraient faire ce qu'ils veulent, mais après, ça collerait pas avec le lore de, non, de Disney Arcana, quoi. Genre, tu vois un Stormtrooper gagner des éclats de lore. Ouais, vas-y. Non, tu fous Mickey avec un sabre laser, quoi. Ouais, encore pire. Ça passe. Non, c'est une, ça serait une hérésie. Une hérésie, tu m'entends? Non, il y a plein de choses à faire. Et on voit qui se réveille là maintenant au niveau des collectionneurs. Peut-être qu'ils vont nous sortir des trucs de dingue pour la prochaine saison compétitive. On est peut-être même pas prêt hein, de ce qu'ils vont nous dire. Et voilà, après on va voir comment ça va avancer. Moi, le débat que j'ai eu avec la personne que je sur YouTube tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'était quoi déjà? Intéressant en tout cas. En tout cas, non mais merci du partage parce que c'est vrai que ça pousse à la réflexion. Et... Attends, c'était quoi? C'était cool. Vas-y, regarde. On parlait en fait de justement cette rotation, que ça allait être, enfin ils allaient perdre énormément de joueurs. Non, je pense pas. Justement les cartes, on allait les perdre, quoi. Non. En tout cas, le gros du truc c'était ça. C'était vraiment. Non. Bah, en fait, tout le monde va lâcher leur canard La question que je me pose moi, c'est est-ce que la communauté ne sera pas plus active sur le mode Infinity plutôt que sur le mode Core Construction Classique? Non. C'est une question que je me pose. Donc je pense pas que ça va être... Non, mais Baptiste, toi, tu es prévoyant et devin, je pense que Baptiste a raison, il avait prédit la rotation. Non, mais je pense pas que les gens vont plus se buter au mode Infinity qu'au mode standard. Et c'est la question que je me pose, que je me dis, bon, les gens, ils vont pas arrêter, c'est sur leur cana, mais est-ce qu'ils vont pas tout plutôt aller sur... Ce serait une perte de temps et d'énergie. Tu vas réfléchir à construire des decks que tu pourras jouer que trop peu, pour l'instant, hein, je te parle à l'heure actuelle. Donc, en fait, juste, non, genre, tes cartes des sets 1 à 4, tu les ranges dans ton classeur et puis t'attends de savoir ce qu'il en est de ce mode-là, si vraiment il va y avoir un intérêt à le jouer. Et puis, voilà. J'ai posé la question de Gaëtan, mais je lui ai déjà posé. Est-ce que, du coup, je vais pouvoir vendre mes cartes des sets 1 à 4? C'est trop tard. Déjà, t'arriveras pas à les vendre maintenant. Parce que déjà, elles valent plus rien tes cartes. C'était avant, c'était quand je t'avais dit il y a 3-4 mois que ça allait arriver. C'est là maintenant qu'il fallait les vendre. Personne ne va les acheter là, déjà là, actuellement. Mais après, ça va dépendre des décisions de Ravensburger et de leur volonté ou non de mettre l'Infinity au devant de la scène. Je te dis, s'ils te mettent, sur les challenges, ils t'obligent à jouer sur 3 rounds à l'Infinity, les gens vont pas avoir le choix de le faire. T'imagines les DL à fournir, le check de DL, ça serait l'enfer. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça marche mieux avec le draft, quoi, pour essayer de t'ouvrir tes boosters et basta. Quoi. Je sais pas. Question. Sima Madame Mime est réédité au chapitre 9. Non. Ah merde, c'était pas la fin de la question. Pardon. Non, elle sera pas. Vas-y, continue. Est-ce que je peux jouer quand même avec ma Madame Mime du chapitre 2? Oui, c'est 2. Oui. Ah oui, c'est du 7-2. Je m'avais posé 7-2, la question. Pardon, 7-2. Ouais, 7-2. La réponse est oui. Oui. Donc j'aurais pas En gros, si le nouveau personnage a le même nom et sous-nom que le personnage du set précédent, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas jouer l'ancienne version. C'est la même carte. Et même si elle a une illustration différente. On le voit avec le crochet, par exemple. Le crochet a une nouvelle gueule maintenant sur le set 8. Mmh. Et ben, 8 ou 9 8, 9. Hein, 8. 8. 9. 7. 8. 7. Dans ce set-là, il y a... Non, c'est dans le 7-8, ouais. Il y a le crochet, le nouveau crochet et le chiot. Ils ont été réimprimés, là, sur ce 7-8. Et donc, il n'y a pas que dans le 7-9 où il y a des réimpressions. Il y a deux petites réimpressions dans le 7-8 aussi. Ah, la petite discrète qui passe, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être justement pour laisser un petit peu plus de place à des bonnes cartes dans cette ouais. Mais en soi, les chiots, c'est parce qu'ils veulent qu'on joue les chiots encore après. Et le crochet, peut-être pour lui donner un alter, quoi. Enfin, un support alter. Après, il y en a un dans l'extension, donc peut-être que machin, mais ils auraient pu en créer un nouveau, je sais pas. Ah, le crochet d'ailleurs qui est enchanté là, il est sublime. Ah oui, sublime. Oui, oh là là, les enchantés globalement, je trouve sur ce set sont vraiment ouais, pas mal. Magnifique. Hein. Alors j'ai préféré à celles où elles sont toutes dorées, c'est celles qui elles sont toutes dorées là, celles qu'on a eues. Celle de la jasmine là. Ouais. Pas, ouais, c'est vrai que à la base ils nous ont montré ça, ils nous ont dit ouais ça va être que ça avec ce design là, machin tout ouais, ça, avec du sable et compagnie. Genre Bambi va me trouver le sable. Il est où le sable sur Bambi là? C'est pas, il c'est est pas. Dans la fleur ou ouais. Mais non, c'est Mirabelle, mais enfin l'action, la chanson là, ouais. Avec Mirabelle, pareil, elle est trop belle. La Gothel, hein, il y a juste à la limite, ça la par Stitch. Contre, je comprends la Stitch pas. Est belle, mais... Stitch. Ouais, la Stitch ouais. Est pas mal, et les gens ils trouvent putain, comment ça s'appelle, Sans aucun souci, sublime. Moi je trouve dégueulasse, je trouve que c'est la pire. Ah ouais? Ouais. Attends, je l'ai pas vu. Bah, elle a un style graphique différent. Dégueulasse. De... Sans aucun souci. Ouais, il est plus crayonné, quoi. Je sais pas, je suis pas fan du tout, quoi. Non, mais c'est ça, il est plus crayonné et un petit peu plus. Enfin, il est moins précis, moins. Il fait fouiller. Réaliste, il fait fouiller avec tous les animaux en tourbillon, là, c'est ça. Hein, c'est celle-là, non? Ouais, c'est, de, ouais, c'est, une boule, ouais, c'est ça. Une boule dans les mains de Rafiki. Là, et... ouais. Ouais, ça fait fouiller. Tu vois Rafiki sur le dessin aussi. Je sais pas, bizarre. Je suis pas trop trop fan. Ça fait fouiller. Ouais, alors que Mergothel. Mergothel classe. Classe. Non, en Ralph sont... classe. Jasmine. Ralph classe. Ralph la classe. Ah, et une que je viens de tout juste de voir il y a 41 minutes, ils ont dévoilé. Vous direz quoi? Comme enchanté là? Qu'ils ont pas encore sorti. À part Ralph? Pompon. Ouais. Là encore dans les, je crois il en reste. Unisma. Il en reste ils ont ressorti là. Oui, regarde pas. Non, je regarde. Coquin de printemps. Grand coquin. Bah, un Jafar, non? Ah non, on l'a déjà, le Jafar. Ouais. Une légendaire. Une légendaire de je connais même plus toutes les légendaires de ce set. Ouais, légendaire de 7-8. Rouge. Je vous aide pas mal. Légendaire rouge, attends, on a eu Ratigan? Non, c'est bleu ça. Il est bleu, Ratigan. Il est bleu, le rat. Ouais, le rat est bleu. Ah non, c'est... Attends, c'est Lilo? C'est la Lilo géante, là? C'est la Lilo. Ah, putain. Ils ont fait Lilo... En souillon, c'était Lilo ou Clochette, de toute façon, du coup. Là. Honnêtement, elle est pas non. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. En souillon, ouais. Ouais, c'est... Elle est pas... Ouais, par rapport... Ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux, C'est pas la plus belle, mais effectivement, le Ralph est ultra classe. Le Ralph, il dépote tout. Le crochet, je pense que c'est peut-être l'une des meilleures. Avec ouais. Le bateau, là, comme ça. Oh, c'est plutôt cool. Clairement. Bon, cool. Les amis, on a fait le tour de la rotation. En tout cas, j'attends de voir personnellement où est je me pose la question et je maintiens. Est-ce que la communauté sera pas plus active pour l'Infinity? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y aura des passionnés d'anciens decks comme les Steel Song qui vont peut-être fuir. Nostalgique. Quoi, j'ai plus Ariel. Quoi, j'ai plus réponse. Quoi, j'ai plus perdu dans l'hiver. Quoi, j'ai plus de cartes. Quoi, j'ai plus ce rêve bleu en fait. En vrai, quand tu réfléchis de Steel Song, je suis désolé, mais tu perds Robin son shift. Ouais. Tu perds la Ursula T2. Ah oui, tu perds Raging, tu perds Perdu dans l'hiver. Ne cherche pas, tu perds tout en fait. Tu perds Monsieur Mouche, tu perds Lorenz, tu perds Ariel, tu perds Cendrillon. Enfin. Encore une fois, tu vois, c'est un deck qui vient du 7-2. Tu perds Zeus. C'est un deck qui vient du 7-2. Et c'est pour te dire encore une fois, t'as un deck du 7-1, le Ruby Améthyste, qui était là encore, même encore maintenant. Le Stisson qui est là encore maintenant, jouable, mais du coup, qui est apparu sur le 7-2. Et t'as plein de decks comme ça qui vont disparaître parce que en fait la majorité des gens ils jouaient des cartes des anciens sets et pas du set 4, 5, 6, tu vois. Tu gardes pas tes Navines. Voilà, démerde-toi avec ça. Non, Navin, il va rester, non? Ouais, tu gardes Pat et Navin. C'est tout ah, ce qui reste du Navin. Ah oui, j'ai compris. Ouais, tu gardes Pat et Navin, j'ai compris. Ah non. Tu gardes Navin et Pat, pardon. Ouais, ouais. Mais c'est tout ce qui reste dans le deck, quoi. Il y a de quoi tenir. Les Navin, amis, je chante bah rien du tout. Dernier jeu, ouais. Et après on va pouvoir se quitter. On y a un petit peu joué. Du coup, c'est un petit quiz où je mets la petite musique de qui veut gagner des Glimmers. Voilà, on va plus. Ah ouais. Ah ouais, oui, non, oui. C'est Julien Lepers, c'est ah qui ouais. veut gagner. Moi. Ah ouais. Donc, attention à la marche. L'attention, c'est chacun votre tour. C'est pas. Oh, okay. Voilà, donc du coup, on va commencer par le perdant. Gaëtan, ça va être à toi. Comment ça, j'ai perdu? Tu le sais pas encore, mais là aussi. Tu te moquais ouais. de Madame Mime. Non, je me suis pas moqué, j'ai simplement dit que c'était assez faible. Madame Mime est une déesse, et puis voilà. Oui. La question est la suivante, mon petit Gaëtan. Oui. Pour un booster fictif. Madame Mime, dis-moi quels sont les animaux auxquels il se transforme. Tous les animaux? Oui. Ok. Renard. Oui. Serpent. Ouais. En tout cas de l'orcadre. Oui, oui, oui, oui. Okay. Serpent, renard. Oh, tu forces. Dragon, forcément. Oui. Éléphant. Oui. Oui. Il y en a d'autres. Oui, rhinocéros. Rhinocéros sur le 7-8. Ouais. Ah oui, mais là. Ah bah. Tu vois pas dit qu'il y avait aussi dans le 7 là. Il est pas sorti, c'est pas légal. Attends, non, il est pas sorti, c'est pas légal. Rhinocéros proxy, quoi. Il fait des lives tous les jours sur les nouvelles cartes et des stories. Il se rappelle même plus qu'il y a un rhino. Mais sinon, j'avais raison sur les autres. Hein, non, oui, mais ouais, excuse-moi, t'as perdu. Et bah voilà, j'ai gagné. La conclusion n'est pas la même, apparemment. Mettez-vous d'accord. Es-tu prêt, mon petit Valis? Allons-y. Ouais, on va dire ça. On va dire que t'as gagné. Okay. Eh ouais, ouais. Non, mais c'est ah ouais, ouais, ouais, ouais. Oh oui. Baptiste, quels sont les animaux auxquels se transforme Merlin? Facile. Merlin lapin, Merlin crabe, Merlin chèvre, Merlin écureuil et Merlin tortue. Attends, je réfléchis s'il y en a un autre. Oh, il y en a un nouveau encore? Non, c'est bon, t'as gagné. Oh, oui. Bah quoi? Tu me fais peur. Bah oui, mais bon. Ouais, mais tu vois, ils ont pas mis de Merlin dans le 7-8. Donc, je me suis fait avoir. Là, je suis désolé. Attends, tu apprendras que dans ce monde, il y a des baiseurs et des baisers. Nous ne sommes pas assis sur le même banc. Je ne permets pas. Je ne permets pas. Gaëtan, es-tu prêt? C'est plus facile, non. Celle-là. Oui. Si t'es prêt, cite-moi trois pattes différents. Ouf. Tagliatelle, fusilli, macaroni. Oui, tu sais. Macaroni. Oh non. Les sous-titres, là. Bah oui, enfin t'as réussi Merlin chèvre, Madame Mime. Ah oui, mais non. Alors essaye de me décrire la carte. Décris-moi la carte. Arbitre. Oui. Pat, pirate de l'espace. Oui. Pat, macaroni. Pat, pirate. Le catcheur. Le catcheur. Le catcheur, ouais, le catcheur. Ah non, mais c'est compliqué, là. Ah non, c'est pas compliqué, c'était... T'as le Pat en noir et blanc, là, aussi, du bateau, là. Ah, Pat, ouais, c'est... mais je l'ai Pat, oublié, lui. Pat sale type, t'avais Pat sale type, t'avais... Pat, ça, non. Ah, non. Le pirate, là. Le pirate, mais... voilà. Je l'ai dit. Ouais. Il l'a dit, ouais. Mais t'avais le Pat... Et celui du 7-2, là, celui du 7-2, là, qui veut faire de la bagarre, là. Celui qui se remonte les manches au 7-2, là. Comment il s'appelle, lui, déjà? C'est pas Bad Boy, enfin, un mauvais garçon. Mauvais garçon, ouais. Ouais, ouais. De quoi? Mauvais garçon? Il y a un Pat, mauvais garçon. Le Pat, tu sais, celui qui était hors d'atteinte. Ouais. Et en gros, il disait que à chaque fois que tu joues une action, tu lui rajoutais 2 d'attaque. Et que quand il arrivait à 7 d'attaque, il gagnait 2 de l'or. Oui. Et du coup, il pouvait l'or à 4. Vert. Vert. Ouais, ouais. C'était chapitre 2. Oui, que très peu. Ça me dit rien, ça? Ça me dit rien, ce que tu me dis. Attends, c'est... Ah, bah, excuse-moi, peut-être que je me trompe. Mais tu l'as pas mis dans. Ah, tu l'avais pas dans ta liste de réponses. Ouais, mais je me suis fait. T'es moi? À toi, mon petit Baptiste, sachant que je t'interdis d'utiliser de dire Stitch Rockstar, ce que tu l'as déjà dit plein de fois. Donc, Je peux à peu près deviner la question. Alors, est-ce que je peux pas le dire? Cite-moi 3 Stitch différents. 3 Stitch différents? Ouais. Bah, t'es pas le droit à Rockstar. Bah, non, je l'ai dit. Ouais, pareil, il y a Nouveau Chien. Il y a Stitch Surfer, il y a le Stitch... Stitch Surfer, ça n'existe pas, c'est je crois. Stitch Surfer, ça n'existe pas, bah t'as raison. Non, j'ai pas le nom entier, je viens de regarder. Oh putain, bah j'ai pas... Bah t'as le nouveau là, le légendaire, expérience 6-2-6. Oui, donc. Et t'as le pirate, le boucanier là. Oh là là, c'est une loose, c'est une... Surfer insouciant. Oh, surfeur oui, insouciant. Oui, oui. Bienvenue dans le club des losers. On a eu deux expériences. Le premier chien, mauvais chien. Après l'autre chien. Non, c'est nouveau chien, j'avais dit. Oui, le surfeur, c'est pas surfeur. Premier chien, nouveau chien. Le chien nouveau. Le chien nouveau. J'ai que deux noms, du coup. Compliqué, ouais. Hein. C'est compliqué, plus compliqué hein. Que les questions de Kétal. C'est bien expérience 6-2-6 qui s'appelle l'autre nom. Oui, tu l'as eu celui-là. Okay. Si t'as... Non, c'est 626, enculé. Gaëtan, attention, YouTube. Alors là, c'est une question d'ordre général, pas forcément sur des cartes. T'es prêt? Ah. Quelles sont les deux nouvelles licences qui arrivent au 7-10? 10? Oh, enfoiré. 10? Alors, t'as les Gorgoyles. Ouais. Et l'autre, normalement, elle n'arrive pas à ce moment-là, c'est Mister Mask. Non. Mystery Mask, un truc comme ça. Non. Ah, c'est une autre? Ouais. Ah, je crois que j'ai Baptiste. Ah. Trou de mémoire. Baptiste. Baptiste. C'est pas Dingo et Max? Non. Ah oui, Dingo et Max. Non. C'était 9, ça. Mais j'ai regardé, c'était Taram et le chaudron magique. J'ai cru comprendre. Je l'aurais zappé, pourtant je l'attends. En même temps, ce dessin animé est un peu bizarre. Mais je l'ai dit, Taram. Non. Non, alors, t'as dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit au début. Non. Ah si, je l'ai dit. Gorgoyles. T'as dit Gorgoyles. Non, j'ai dit Taram. Magical Cauldron. C'est dit en anglais, mais pas en français en tout cas. Ouais, ouais, je l'avais dit, ouais. Ah ouais. Baptiste, attention, c'est à toi. Prêt? C'est la même chose, là, c'est... Oh. Le nom du chapitre 9 est fabuleux. Oui, et quel est le slogan? Je sais même pas. Je sais même pas. Oh non. Et moi qui suis dit, j'invite les meilleurs. Dieu. Ah mais ça, c'est une façade. Mais il n'y a pas de slogan. Un sous-titre, tu veux? Il y a un slogan. Attends, je vais faire ma recherche. Vas-y, j'en sais rien du tout. J'ai l'impression que t'es en train de me mentir. Y'en a non, pas. C'est ça la réponse? Y'en a pas. C'était Welcome to the Story. C'était le slogan. Bienvenue dans l'histoire. Ouais. Ah, attends. Non, alors, oui, bah attends, tu peux regarder. Attends. Quoi? Attends, laisse-moi faire une recherche. Attends. Parce que là, moi, je me fais couillonner depuis le début aussi. Ça couronne son royaume. Non, mais. Oui, bon, on va pas chipoter, hein. Mais non. Ah bah non. Si, c'est comme to the story, les gars. C'est le slogan. Ça fait pas partie du nom de l'extension. J'ai pas dit que c'était le nom de l'extorsion, j'ai dit que c'était le slogan. Le mec, il a demandé le titre de l'article de Mouchou Report. Ah non, sur le site, effectivement, tu peux voir sur chaque dessous de présentation de set, t'as une phrase, et oui, 7-8, ouais, enfin, sa couronne, ouais. Son royaume. Ouais. Beau gosse. Le beau gosse, je l'ai rajouté. Ah, ok. Bon, ok, je l'avais pas du tout. Merci. Comme moi. Voilà. Là, franchement, je. Pour l'instant, c'est Gaëtan qui gagne, je crois, si je me trompe pas. Ouais, bah. Un point. Bah oui, t'as qu'un point. J'ai gagné un booster, du coup ? Non, fictif. Ah. Comment ça, il gagne ? T'as pas gagné une question, t'as je sais plus. Mais j'ai gagné une question, moi. T'as gagné une question ? Ah non. Non, t'as pas gagné. J'ai gagné les Merlins. T'as gagné Merlin. Alors, oui, non, en fait, ouais. C'est trop bête qui gagne. Gaëtan, attention, est-ce que tu es prêt ? Oh, oui. Attention. C'est ça la question ? On recommence depuis le début. On recommence tout. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis trop bête de classe. Attention, t'es prêt ? Oui. Attends, il faut que je clique sur mon bouton. Voilà. Quels sont les personnages qui sont sur les boosters de Ciel Scintillant ? Facile. Putain, mec, Ciel Scintillant, c'est le 7-5. Mec, j'ai déjà oublié. Quelle honte ! Y a Mirabel, non. Hein, je sais même plus, mec. Mirabel ? Ah bah, non. Ah, moi, j'en ai que un, je pense. Et encore, je suis même pas sûr. Attends, c'est pas Maui. Il y a Maui. Il y a Maui. Il y a Donald Cuisinier. Oui, il y a Vanellope. Et Vanellope. Voilà. Voilà. Mais Maui. Voilà. Maui, j'étais sûr. Mais ah, après, mais c'est vieux tout ça. C'est vieux. Ouais, mais bon. Ça remonte. C'est de l'ancien temps. Il y a 6 mois, quoi. on était pas nés encore. Ah non, je fais un piètre hôte ce soir, là. Désolé. Non, t'es très bien, t'inquiète pas. Est-ce qu'on en fait une petite dernière chacun ? Allez. Ouais. Bah, allez. J'attends la mienne, du coup, moi. Oui, attends. Excuse-moi, j'ai la tienne. Après, on fera une dernière. Eh oui. Attends. On fait équipe. Bah, après, si je vous fais chier, j'y vais tout de suite. Non, donc, on peut pas. Attends, faut que je retrouve la question parce que. Il n'y en avait pas en fait. Écris-la vite. Non, non, c'est bon. Ils ont eu une, hein. On regarde dans la poubelle peut-être, je sais pas. Inspire-toi du site Disney Lorcana. Non, c'est bon. Je l'ai. Quel est le premier article du site Disney Lorcana ? Quel est. Bah, c'est pas le même type de question. Quels sont les personnages sur les boosters du 7-4, le retour d'Ursula ? Alors, Ursula. Facile, ouais. Ouais. Sissou. Ouais. Et Ariel. Oh ! Bravo. Quel beau gosse. L'Ariel Floodborn. Ouais, c'est bien. Namasté. Namasté. Ah bah là, magnifique. Là, c'est pour le jour. C'est pour rattraper mes conneries, ouais. Bon, alors du coup, ça va être à Gaëtan et après ça va être à. Maintenant, on va faire Baptiste, je vais faire une pub dure quand même pour t'aider, Gaëtan. Pour... Wow. Ouais, quand même. Bah, parce que là, je pars quand même dans un. Je pense dans une défaite dans tous les cas. Ouais. Alors, comment te dire Je me suis dit aussi, ouais. Baptiste, cite-moi oui. Deux cartes avec lumière. Il faut les noms encore exacts. Oui. Je les aurais pas. Je peux te dire, j'ai les deux lumières en tête, mais. Alors, lumière qui fait tout flamme. Décris-moi. Et bah, tu as le lumière rouge. Oui, Gaëtan. Qui court, là, qui donne plus 1 à tous les alliés. Et tu as le nouveau lumière bleu-rouge, un peu steampunk, je sais plus comment il s'appelle. Tout flamme. T'as perdu. Tout feu tout flamme. Hey, c'est ça, j'ai dit ça en plus. J'ai dit ouais. Tout feu tout flamme, moi. Ouais, c'est ça. Par contre, bah ouais. Il donne plus 1 à tous tes autres personnages. Oui, c'est ça. T'as dit à tes ouais, alliés. Ouais, tes ouais, personnages. Ouais, non, alliés, ça passe. Moi, ça me... Non, tes personnages. Mais les alliés, c'est pas. Ils sont mieux ou quoi, lui. Au choix, je prends la bagnole, j'arrive sur Panama, mon pote. Tu m'as saoulé, là. Tu viendras faire un tour à Disneyland. Oh oui. Allez, Gaëtan, t'es prêt pour ta dernière carte ? Bah, je vais essayer, hein. Allez. Cite-moi une chanson de Vaiana. C'est la fin de la question. C'est vraiment la fin de la question. Bon, attends, on est où là? Combien fait 1 plus 1, Gaëtan, s'il te plaît? Le bleu lumière. Bien, bleu lumière. Lumière. Et c'est quoi son pouvoir? Ouais, tu regardes les deux cartes du dessus de ton deck, tu en mets une dans ton encre épuisée, puis t'en mets une dans ta main, quoi, et paf! Ça fait des jeux capiques. Et voilà. Bon, en tout cas, les gars. Tu sais que j'étais parti sur une chanson plutôt de Moana, mais la Violette. Mais je me rappelais absolument pas de son nom. Elle est plus loin? Je sais pas. C'est, non, chose, c'est ça. Non, non, elle n'existe pas. Si, si, elle existe. Mes amis. Musique de fin, c'est la fin. Merci, 2h40. Hein. Oh. Vous avez été 2h40 de plaisir. Seul... Oh oui. Est-ce que Gaëtan... C'est bien la première fois que ça m'arrive. De passion. Donc, c'était un, pour les auditeurs, c'était un dépucelage de Gaëtan. Et oui, oui. Voilà. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu reviendras. C'était génial. Merci pour l'invitation. Ah, merci. Et je reviendrai assurément. Que... C'est... Alors, c'est Baptiste qui décide. Ah oh, oui, ça, bien c'est sûr, Baptiste. Bien sûr. Bon, bah, il a rien à dire. Attention, c'est chez moi ici maintenant. C'est, je, c'est la troisième fois que je le fais. C'est, maintenant, voilà. C'est chez moi ici aussi. D'accord. Voilà. Et... De toute façon, j'ai plus trop choix parce que j'ai reçu des messages. Et je les ai envoyés, je crois, Baptiste. Quoi. Les gens, ils veulent plus que je fasse leur canard sans toi. Donc, du coup, je peux bah oui, non, mais ils ont à juste titre. À juste titre. Voilà. Donc maintenant. Dommage qu'il n'y ait pas de visuel, hein, je te le dis. Ah, voilà. En tout cas. Gaëtan, petite actu, donc c'est ton moment à toi, parce que c'est comme ça que je fais. As-tu donc t'es sur YouTube? Oui. Ils sont en train de danser, les mecs. Oh, ouais. Vous voyez pas les gens, mais ils sont en train de danser. Donc tu es sur YouTube, Gaëtan Cole. Oui. Gaëtan Cole sur YouTube, ouais. Voilà. On recommence le Twitch, les lives aussi progressivement et puis après sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est bien ça. Instagram, TikTok, bon, moins bien, mais ça, c'est un autre débat. MySpace, Skyblog. MSN, you hear me. C'est toujours son OnlyFans sur les photos de ses pieds aussi, pour ceux que ça intéresse. My gosh. C'est faux. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était, merci à toi d'avoir été. On s'est fondé. Fondu une bonne barre, même si j'ai été très très médiocre sur les questions, mais en même temps, je suis que sur la con quand même. Hein. faut le dire. Attends, ils te mettent dans la merde là comme ça. Hein. Ah, l'imitation, je vais changer maintenant. Bien comprendre. Ah ouais. L'imitation était géniale. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais. Ah, c'était vraiment pas mal ça. Ah ouais ouais ouais. On s'est bien marré. Je pense qu'on a apporté des petites bonnes informations à la communauté Lorcana. Et voilà, c'était cool. Bon, tu reviendras au prochain alors. Généralement, avec Baptiste, non. On était après la sortie de 7. Ok. Bah, je reviendrai avec plaisir. Voilà. I'll be back. I'll be back. Baptiste, Mulligan TV, oui. Toujours. Oh oui. S'en est là. Oui, il a carrément le fanion sur le t-shirt. Oui. Voilà, une embrasse, voilà, c'est beau. Côté cœur, le PSG. Ah non, c'est mieux que le PSG, c'est mieux que Gan TV. Ah oui, c'est mieux que le PSG. Oh, j'ai trouvé le slogan. À noter d'ailleurs, c'est vraiment. La Mulligan TV. C'est vraiment un truc génial ce qu'ils font chez la Mulligan. Hein. On a la MFL où moi je me suis inscrit là, cette saison là. Un truc de malade. Ah bah non, moi je suis dans les tops, moi. Je m'envole, moi. Je suis déjà au 7ème ciel, tu vois. Je vais bientôt croiser l'organisme, tu vois. T'es quel div? Ah non, moi je suis. Ça va, moi je suis div 5 là. Mais du coup, div 4. Ouais, mais tu vas faire div 3 même. T'as fait quoi comme bilan? Ah non, div 4, je crois. Je sais pas. Bah, je suis deuxième. Enfin, deuxième égalité. Il y en a 4-5, non? Égalité avec le troisième. On est les deux à avoir les mêmes résultats. On est deuxième et troisième, on a les mêmes résultats. Ok, d'accord. Mais on verra. Non, donc ouais, Mulligan, ils font des trucs de malade pour la communauté. Je tenais à le dire. Notamment aussi les gros tournois Mulligan Challenge. Super cool. J'ai aussi joué une fois contre l'Orcadis. C'est un réel plaisir. C'est pas à voir comme ça. Non, absolument pas. C'est pas un connard. Hein. Vraiment, c'est un chouette gars. Vous fiez pas au podcast, hein, vraiment. Je sais pas, à sa voix qui pourrait être un petit peu. Est-ce que t'as... Voilà. La grosse question, c'est est-ce que Baptiste t'a battu? Est-ce que quoi? Est-ce que Baptiste t'a battu? Ah, mais alors ça, on s'est rencontrés une seule fois dans notre vie et je crois qu'il a perdu. Ça a été streamé, c'est facilement. Ça a été streamé, oui. Alors, le pire, et... tu vois, Baptiste, t'as gagné toute la soirée. Et là, t'as perdu. Je me suis fait exploser de zéro, il faut le dire. Oui. Mais c'était quand même un très bon moment. Oui, c'est ça. C'était une défaite dans la bonne ambiance. Et tantôt, on se reverra et vous verrez, il va gagner. I'll be back. Ouais. Bah écoutez, les paris sont ouverts. Voilà. 10 contre 1 pour Gaëtan, c'est ça? Oui. Oula, respecte-le un petit peu. Je sais pas ce que ça veut dire, donc. Ça veut dire que tu vaux 10 fois la mise. Tu considères comme une merde. Bah, quand t'as 10, quoi, ça veut dire qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Ah, d'accord, c'est faut 10 sur la mise, quoi, donc bon. Ok, non, bon, bah. Non, mais c'est comme ça, c'est l'histoire de ma vie. Oh, tu peux dire, je suis nul en quiz, mais j'ai battu Baptiste. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai, Mais je t'ai coupé, excuse-moi, Baptiste, vas-y. Je voulais juste te dire que. Je l'aime. Oui, je l'aime. Mais ça, faut pas le dire. Faut pas le répéter, surtout. Ça va être cut au montage. Ça sera presque cut. Tu m'avais pas dit qu'on pouvait cutter ? Ça, je le garde. C'est bah voilà, ça, je veux pas que les gens le sachent. Ouais, je pense que ça doit rester privé. Voilà. Pourquoi je l'avoue, c'est notre petit jardin secret. On en a un ? Ah bon ? C'est un champ ah, secret. Cours en slip avec une iconique entre les fesses. T'as pas compris ça ? Ah bah... Il aura Mickey, j'aurais Mini. Ah, mon Dieu. Et pourquoi c'est moi Mini ? L'habitude de te travestir, toi, maintenant, c'est bon. Oui, c'est vrai que j'ai une réputation. C'est vrai. Ouais. Maintenant, tu mets des collants, alors du coup, ça fait classe. Ouais, mais c'est le cinéma. C'est le cinéma. Merci, les gars. En tout cas, on se reverra après la sortie du 7-8. Et puis, peut-être que vous aurez déjà fait un petit tournoi scellé ou autre à en parler. Et puis, peut-être une première méta éventuellement. Voilà. Bien sûr. Oh, oui, ça va arriver vite. Il y a déjà des tournois, des gros tournois de début de set qui sont prévus là. Oui. Donc on aura de quoi analyser tout ça, bien sûr. Bien sûr. Bien entendu. Et vive la Belle et le Clochard. Ah oui. Et on fera. Tu vas voir, je vais le jouer. Je vais le jouer. Et on refera une question pour un Glimmer. C'est qui veut gagner des Glimmers pour que enfin. Tu bosseras ton imitation par contre. Je la bosserai vite. Et tu nous prévois des. Parce que eux ils voient pas, ils écoutent juste, mais tu nous prévois des petites fiches jaunes. Oui. Je jetterai en l'air. Oui, j'adore ce jeu. Oui. Oh, c'est oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui. Allez, les gars, merci en tout cas. Bye. Merci à toi. Oh, on l'a dit en même temps. Ouais, ça, c'est vraiment fusionnel en fait. Non, ah, bah que veux-tu. C'est une bromance qui est née. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut.